bon Dieu tendu contre nous avons. Que Dieu bénisse. Et Dieu ne nous a pas donné le droit de faire également ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. J'ai pour habitude de dire d'abonnés nous sommes. D'abonnés nous resterons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Il nous a pas donné le droit de faire également ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Les jours où vous verrez aussi nous sanctionner, il n'est pas. Que Dieu protège les darons, je vous dis merci. C'était le discours du roi de votre présence. Il quittait là, il savait qu'il quittait. Et Dieu ne nous a pas donné le droit de faire également ce que nous sommes en train de faire. N'oubliez jamais ce qu'il a dit là. Il vous a donné le dernier mandat, il a dit faites attention. Mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire également ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Voilà, voilà. Bonsoir encore le Gabon. Bonsoir. Bonsoir Libreville. Bonsoir. Je commence à être amoureux de votre pays déjà. En entendant un président tenir ce discours-ci au 21e siècle, déjà que prononcer le mot Dieu c'est un scandale en milieu politique, vous devez vraiment comprendre que Dieu aime vraiment votre pays et qu'il a visité votre ancien président. Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. C'est un constat d'échec et de comprendre qu'ils ont pris fausse route. Il nous observe. Il est conscient maintenant que Dieu a les regards sur lui. Il dit amusez-vous. Donc Dieu lui a donné des avertissements. Mais le mois venant où il sanctionne, il le fera. Que Dieu bénisse le Gabon. Croyez en Dieu. Pensons à notre jeunesse. Pensons au Gabon. Donc initialement, les dirigeants doivent d'abord penser à sa population. Pas penser vivre pour eux-mêmes. N'est-ce pas, frère? Que Dieu bénisse vraiment le Gabon. Mais souvenez-vous, il y a des cordes qui ont été détachées. Le peuple va se réveiller. C'est ainsi par le Seigneur. Parce que j'ai vu les gens contrôler, le dirigeant contrôler les gens avec la magie. Et Dieu a dit, passe au milieu. Je suis passé au milieu. Et puis ça a découpé les cordes sur lesquelles, les fléaux là, qui avec lesquels il manipulait les gens. Les gens sont réveillés. Donc il y a un réveil qui se prépare ici. Les gens seront conscients de cela. Et j'ai dit dans un autre là que j'ai vu un jeune prophète être suscité par Dieu ici. Il va faire peur ici. Ils vont craindre le nom du Seigneur. On va craindre le nom du Seigneur ici au Gabon. Parce que quand il va parler, les gens sauront que la parole est avec lui. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Il est 14h à Libreville au Gabon, même à Yaoundé. Une heure de plus à Paris. Bonsoir, je suis avec vous. Des questions? Oui. Alors, vous avez déjà informé ceux qui sont ici des jours qu'on va travailler, la manière dont on va travailler. Informez-les pour que les gens sachent avant de partir comment on va travailler, le jour où on va travailler. Je suis là jusqu'au 26, c'est ça? Oui. Jusqu'au 26, il serait rentré à Douala au Cameroun. Jusqu'au 25. Jusqu'au 25. Parce que très tôt le matin. Très tôt le matin. Donc je suis à votre service, je suis à votre disposition. Je ne sais pas si le Seigneur voudra qu'on prie ou bien qu'on voie certains domaines, comme par exemple la dame qui est derrière celle-là aussi et celle-ci. Les problèmes qui. Ça va? Comment? Ça va. Ok. Donc, qu'on reste dans la prière. Si Dieu permet qu'on prie. Mais je vois que foncièrement, le problème du Gabon est le problème d'ordre national. Il suffit que les choses soient coupées. Les petits problèmes que vous avez de façon individuelle, ce n'est qu'une résultante de ce qui se passe en haut. Des pressions qui se passent en haut. Donc, que Dieu bénisse. Il y a tant de questions. Toute question biblique a la réponse ici à l'intérieur. Tant de questions. J'ai une question. Oui. Mais je voulais d'abord lire le verset là. Oui. Mes enfants, j'éprouve de la douleur de douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En oui. Vous. Oui. Voilà. 4, 9, oui. Et l'autre, c'est Si donc quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle création. Voilà. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Ma préoccupation, c'est la partie Christ soit formé en vous. Oui. Et si quelqu'un est en Christ, oui. Et je me demande comment être en Christ, ou Christ dit comme ça, je veux qu'on ressorte un peu la nuance. Entre la nuance, oui. Oui. Cette nuance-là, pour moi, c'est... Voilà. Mais dans ma préoccupation, c'est surtout comment être en Christ. Bonne question. Voilà. Comment être en Christ. Christ. Vous posez des questions comme ça. Si je donne les réponses ici, vous risquez d'être choqué. Donc, comme on dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il faut quand même dire la vérité. Parce que vous pouvez lire cela, ça choque. D'accord? Comment être en Christ? Bon, je pourrais poser la question. On peut poser la question. Comment devenir goyavier, par exemple? Vous connaissez le goyavier, n'est-ce pas? Oui. Bien, mangué. Vous pouvez le faire? Vous pouvez faire? Si vous êtes un garçon, vous pouvez devenir une fille? Non. Une fille, vous pouvez devenir un garçon, même si vous voudrez? Si vous êtes noir, vous pouvez devenir blanc? Non. Ok. Vous voulez que je réponde, n'est-ce pas? Prions donc, prions. Tendre Père, merci pour cette autre session que tu nous accordes et merci pour les réponses à nos préoccupations. Nous nous soumettons entre tes mains afin que toi-même tu nous diriges. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains chapitre 8. Donc, quand vous notez les versets, soulignez pour noter les titres des questions. Pour que quand vous allez regarder les versets par la suite, vous compreniez à quoi ça se réfère. Sinon, vous allez mélanger les dieux, les lois avec les choses, ça va vous embrouiller quand vous les allez lire plus tard. Romain, ça va là? Vous n'avez pas de Bible, vous aussi? Il y en a. Romain, chapitre... Donne-le comme ça, tu l'aides. Hein? Romain, le chapitre 8. Ok. On va rester dans Romain un instant. Mais gardez chaque fois qu'on a des livres. Ne lisez pas seulement pour lire la Bible. Il faut comprendre chaque fois la question. C'est souvenu de la question. Pour que lorsque les réponses sont apportées, vous vérifiez si exactement ça n'est de répondre à la question posée. La question en clair, c'est dans le livre de Galates qu'il a lu là, au chapitre 3, chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul demande, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il en a dit que ces personnes, s'il leur donne la difficulté, ils ne sont pas encore en Christ. La Christ n'a pas encore été formé en eux comme il se doit. Donc il faut que je brosse d'abord ça pour vous saisissez. Tout à l'heure, nous avons lu dans la première partie, nous avons lu le livre des Galates, où nous avons lu la chose de la loi. Vous vous souvenez des Galates, chapitre 3 qu'on a lu là, où on a lu le problème de la loi, jusqu'à on est arrivé au niveau où cela a été promulgué au moyen des anges, n'est-ce pas, par les anges, au moyen d'un médiateur. Rentrons dans ces Galates-là, gardez le doigt dans Romains, chapitre 8. Rentrons là, on voit quelque chose, parce qu'il faut que vous compreniez le pourquoi. Galates, chapitre 3. Galates, le chapitre 3. Dans Galates chapitre 3, vous avez ouvert. Dans Galates chapitre 3, il dit, oh Galates, dépourvu du sens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Vous voyez cela? Vous y êtes? À partir du verset 1. Vous y êtes? C'est là où nous sommes là. Franchement, c'est fasciné. Fasciné, oui. La version, c'est fasciné. Quand on dit fasciné, c'est comme si on vous a dessiné. C'est la sorcellerie dont il parle. Qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Vous voyez? Il écrit aux Galates. Il dit, qui vous a embrouillé, qui vous a ensorcelé, qui est venu vous déstabiliser? Vous, aux yeux de qui, Christ a-t-il été peint comme crucifié? Après, ça va commencer par l'esprit. Vous voyez ce que l'apôtre Paul a reproché là-bas. Le premier, c'est qu'il avait prêché aux disciples à Galate, dans la Galatie. Il avait toujours votre attention. Il avait prêché, les gens ont cru. Dieu s'est manifesté là-bas par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque l'apôtre Paul n'était pas là, les gens sont venus donc avec les œuvres de la loi. C'est pour ça qu'il écrit ça là-bas pour le corriger. Voici dans le premier épître de l'apôtre Paul. Quand il a pris sa pour écrire dans son ministère, c'est le premier épître ici. C'est pour ça que c'est coriace. Six chapitres seulement, ça concasse les cerveaux. Six chapitres. Donc, ça veut dire qu'il avait commencé jusqu'à 12, ce qu'on devait déchirer la Bible. Donc, le premier épître qu'il a écrit, c'est six chapitres de l'Union de Galates. Il écrit au Galates pour rectifier la chose. Il a de mettre en exergue ici la prédication de la foi et la non-observance de la loi pour avoir la foi. C'est pour ça que là, à l'intérieur, il parlait tout à l'heure, lorsque nous lisions, là, il parlait de la loi et de la foi. Il dit, la foi ne possède pas de la loi. Mais il est écrit que celui qui mettra ces choses vivra par elle. Et cela est évident parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Donc au préalable, donc, au verset 1, 2, 3 et 4, il leur explique que celui qui opère les miracles parmi vous, est-ce qu'il le fait parce que vous obéissez à la loi? Il est dépourvu de sens. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Après avoir commencé par la foi, vous voulez venir acheter maintenant par la loi? Donc ils ont voulu acheter maintenant par la chair. Parce que les gens sont venus leur dire, si vous ne vous faites pas circoncis, vous ne vous obéissez pas à la loi de Moïse, c'est que c'est, vous êtes fini. Il en voulait leur expliquer que le salut est venu vers vous en par la prédication de la foi au Seigneur Jésus. D'accord? Il dit donc qu'il est inquiet à leur sujet. Je suis en train de prendre parce que vous avez cité ce verset-là. Mes enfants pour qui je couvre encore les douleurs de l'enfant jusqu'à ce que Christ soit formé. Vous savez, on dit qu'ils n'avaient pas atteint la maturité en Christ. Parce que vous pouvez être chrétien, né de nouveau, mais vous n'avez pas les mêmes conditions. Quand il n'y a pas de conditions, ça veut dire que la maturité. Par exemple, pour le cas des apôtres, les 12 autres apôtres en dehors de l'apôtre Paul, il a fallu près de 3 années au Seigneur pour les former. Pour l'apôtre Paul, il a fallu 3 jours. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il a fallu 3 jours pour le former. Pour les autres, il a fallu près de 3 ans. Un jour, il multiplie le pain. Un de ces jours, il dit que méfiez-vous de lever les pharisiens. Il dit que quoi? Tu as oublié de prendre le pain. Et quand il ne comprend pas, il parle des enseignements. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il dit aux disciples qui marchaient avec lui chaque fois, il faut qu'on parte à Jérusalem, le fils de l'homme va mourir, ainsi de suite. Il dit que non, tu ne dois pas mourir, Seigneur. Pour eux, il a pris du temps pour les bâtir. L'apôtre Paul, il était pharisien, fils de pharisien. Il reprochait selon le livre de la loi. Il a pris l'autorisation comme ça, il partait comme ça à Damas pour aller frapper les gens. Pam! Saul. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu... persécute. Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il s'est levé, il est resté là-bas pendant 3 jours sans manger, sans boire. Un autre homme dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'a apparu en route m'a envoyé pour que tu vois et que tu recouvres la vie, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Il lui a imposé même le jour du Saint-Esprit. On dit, dès ce moment, il entend le temps, il a prêché que Jésus est le Fils de Dieu. Où a-t-il pris ça? Donc, il a fini sa formation en trois jours. Alors que des autres, c'est pour ça qu'il prêchait, il prêchait même plus coriace même que ceux qui avaient eu avec Jésus physiquement et qui avaient marché avec lui. Donc, il était inquiet à leur sujet, parce que quand il venait leur prêcher, leur prêcher Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Les gens croyaient. Il était dans la maturité mûre pour pouvoir amener les gens à la maturité. Donc, il prenait les gens dominants comme les enfants pour pouvoir les faire grandir, parce que c'est le rôle des apôtres. Ils doivent enseigner les gens pour que les gens soient édifiés et construits pour être perfectionnés. Et donc, là, ayant donc laissé, ce n'est pas le même, ce n'est pas ici seulement dans Galates qu'il y aura le cas. Dans 1 Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, c'était l'église le plus désordonnée de la terre. Il écrit là-bas pour corriger, parler en langue, ceci don spirituel, les problèmes de fornication au milieu de l'assemblée. Il écrit pour corriger cela. Dans Hébreux chapitre 5, donc, Hébreux chapitre 5, verset 1 et suivant, il dit que vous qui devrez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Vous voyez, vous devriez être des maîtres. C'est vous qui devez enseigner ces choses aux gens. Dans le temps, ils sont devenus durs d'entendement au point où ils ne grandissent pas. Le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, André Vola, dit aux gens que lorsque vous êtes en Christ, il y a une marche. On marche pour grandir. Les gens ne viennent pas à maturité de la même façon parce que ce n'est pas le même semence qui sont entrés. Les gens pouvaient être convertis avec quelqu'un le lendemain quand il prêche, tu te demandes où il allait apprendre cela. Alors que l'autre est là, il traîne le pas depuis des années. C'est pour ça que la Bible prévoit au chapitre 6 que celui qui est debout prend garde de tomber. Nous devons soutenir les faiblesses des autres. Ceux qui sont spirituels doivent soutenir les faiblesses des autres parce qu'il sait que Dieu a mis dans le corps, même les membres faibles, pour que les gens aient soin les uns les autres. Donc l'apôtre Paul écrit ici pour dire aux Galates que. Comment ils n'ont pas encore grandi jusqu'à présent, jusqu'au moment, jusqu'au niveau des spirituels où ils sont. Ils devraient être des maîtres, ils devraient être des grands. Il dit, mes enfants pour qui je prouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité de Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, donc, il va expliquer au verset 11 jusqu'au verset 16 en disant que et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et du corps de Christ, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la statue d'homme fait Christ, afin qu'on ne soit pas ballotté d'un côté et l'autre. Donc quand quelqu'un n'est pas au niveau spirituel de l'affermissement, on va venir dire qu'aujourd'hui, c'est l'église Lumumba, il va partir. On dit que c'est Lubumbashi, il part. On dit que c'est Jésus revient bientôt, il part. On dit que c'est le sang de Jésus qui guérit maintenant, il part. Parce qu'il ne connaît pas par où il se trouve. Mais, quand quelqu'un qui est statué, qui est bien solide dans la foi, on ne peut pas le bouger. Ce n'est pas parce que tu vas raconter les choses, parce que les gens, quand tu dis miracle, on met les photos, ils regardent les photos des prédicateurs, ils disent, waouh, la façon dont il est frère, là, tu vois son Rolex là, Dieu avec lui, il ne couille pas là-bas. Il base son jugement de Dieu avec lui sur l'extérieur. Alors qu'il faut vérifier avec le cœur si cette personne-ci est effectivement de Dieu. Donc l'apôtre Paul devait reprocher l'immaturité. C'est ce qu'il a dit reprocher, d'accord? C'est ce que Galate dit là-bas. Donc c'est pour cela qu'il parle de les enfants. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas les chrétiens, ils sont les chrétiens, mais ils n'ont pas grandi pour être mûrs, pour pouvoir résister aux fausses doctrines. C'est pour ça qu'il dit que vous me donnez encore des douleurs dans mon cœur. Parce qu'il ne comprend pas que... Prenez le chapitre 5, par exemple. Prenez le chapitre 5. De Galate toujours. Vous êtes dans Galate là? Mmh. Voilà, maintenant, merci. Chapitre 5. Je veux que vous lisez les trois premiers versets du chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère, à haute voix? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous entendez ça, hein? Donc, il donne les avertissements. Donc, Christ vous a choisi pour la liberté, vous a délivré de la malédiction de la loi. Ne vous mettez pas encore de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que là, il était question là-bas de la circoncision. Continue. Voici moi, Paul. Oui. Je vous dis que si vous avez fait... Vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Christ ne vous servira de rien. Voilà. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il vous dit que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Parce que maintenant, c'était des païens. La circoncision avait été donnée à Abraham et à sa postérité, aux enfants d'Israël, comme signe de la... Vous savez, la circoncision, c'est la coupure du propice. La partie du propice, là. Dieu avait, de façon exprès, laissé ces choses-là pour pouvoir donner une prophétie. Vous avez dit dans la première partie que les choses sont les prophéties. Dans le bout de tissu qui était au-dessus du propice, là, c'était les prophéties pour montrer que, regardez bien, le corps humain est parfait. Il va mettre un bout de tissu là-bas. Un bout de tissu que si on coupe, ça ne dérange pas en général le cordon. Il a laissé ces déchets-là pour montrer qu'il y a un déchet en nous. Dieu a de façon exprès fait cela. Il dit donc qu'il faut couper cela. Et cette circoncision, là, l'apôtre Paul va nous expliquer que notre circoncision, les Juifs se vantent de la circoncision qui est faite des mains d'hommes. Pour nous, notre circoncision, c'est dans le cœur. Donc, la circoncision physique, qui est la coupure du propice, était une prophétie de la conversion. C'est ce que Dieu avait donné. Or, il est en train de dire donc, aux païens ici, vous vous êtes convertis conformément à ce que la loi avait promis que vous devez être convertis. Comment vous ramène encore là-bas pour que vous fassiez ces choses? Parce que ça annonçait ceci. Ils ne comprenaient pas cela. Donc, quand il disait, circoncisez vos enfants le huitième jour. Parce que le 8, c'est le symbole du commencement. Donc, quand il y aura un commencement, un nouveau commencement de l'ordre sur la terre, Dieu va circoncire le cœur. C'est ce qui était prévu par le 8e jour, circonciser les enfants. C'est ça. Donc, c'est pour ça que la circoncision devait être le 8e jour. Et de façon anatomique, si vous faites avant 8 jours, ce n'est pas bon. Vous faites après 8 jours, ce n'est pas bon. 8e jour, il y a une explication médicale. Parce que c'est Dieu qui a fait. Maintenant, sur le plan spirituel, le 8, c'est le symbole du commencement, d'un nouveau commencement. Après 7, c'est l'achèvement, et puis il y a un commencement. Donc, quand un nouveau ordre va se positionner, quand Dieu aura achevé avec la chair, il va passer à l'ordre de l'esprit. Et pour cela, il faut le passage d'un temps à un autre, il faut la circoncision. Cette circoncision devait venir du cœur. Et donc, les gens étaient là circoncis. Et là, maintenant, les gens qui étaient dans la lettre, encore dans la loi, venaient leur dire, si vous ne faites pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Ça allait être trouble. L'apôtre Paul leur dit, si vous faites circoncis, c'est que Christ ne sauvera à derrière. Maintenant, c'est fini avec la circoncision et le problème des non-compréhension des doctrines par rapport à cela. Maintenant, touchons dans le problème qui blesse et qui va blesser maintenant. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 17, dont tu as cité en parallèle avec ce verset, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? La vraie problématique maintenant, c'est que, est-ce que vraiment, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, voyez que toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que le verset dit, si quelqu'un est en Christ. Et le vrai problème, c'est qu'on n'a pas dit citer le nom de la personne. On a dit, si quelqu'un est en Christ. Donc, la marque de ceux qui sont en Christ, c'est que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Romains, chapitre 6, il parle de, on marche en nouveauté de la en nouveauté de vie. D'accord, mes frères? Romains, chapitre 8, donc. Donc, on va répondre à la question, comment quelqu'un... Je vous ai dit aujourd'hui, Romains, chapitre 8. Voilà. Au départ, ouais. On va y revenir. Romains chapitre 8. Donc on va rester quelques temps, soit peu, dans le livre de Romains chapitre 8. Et on va se secouer ensemble, d'accord? Souvenez-vous des questions que je vous ai posées dès le départ. Est-ce que vous pouvez devenir un guayavir? Vous avez dit non. Si vous êtes une femme, pouvez-vous donner un nom? Vous avez dit non. Allons-y selon doucement. Chapitre 8, verset 28. Allons-y. Qui va lire à haute voix? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Virgule. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Stop. Vous avez suivi? Le problème commence à partir de ce niveau-ci. Il dit nous savons. Donc c'est une certitude, on doit savoir cela. Nous savons du reste que toutes choses concourent à tout le monde. Amen. Hein? Il dit là, ça concourt à tout le monde. Voilà. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Et toutes choses concourent. Donc, pas, Dieu ne fait pas concourir toutes choses pour le bien de tout le monde. Non. C'est spécifiquement pour ceux qui l'aiment. Mm-hmm. On devrait se poser la question, quelles sont les catégories de personnes qui l'aiment? La virgule qui est là-bas, c'est une juxtaposition pour expliquer mieux ce qu'on avait dit précédemment. Il dit virgule de ceux qui sont appelés selon, souligné, appelés selon son dessein. Voilà. Notez Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17. On va y revenir tout à l'heure. Dieu voulant. Ok. Donc Dieu explique ici que c'est ceux dont là qui sont appelés son dessein qui sont ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et donc il dit c'est cette catégorie de personnes-ci qu'il fait conclure toutes choses à leur bien. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu es dans la catégorie de ceux qui aiment Dieu, donc tu as été appelé selon son dessein. On va y revenir par rapport à cette phrase que vous avez soulignée. Il dit que ceux-ci, même s'il leur arrive n'importe quoi, c'est pour leur bien. Parce que Dieu est au contrôle de leur vie. C'est ce qu'il a dit. Le verset l'avait dit, Dieu contrôle toute la vie de tous ceux qu'il a appelés selon son dessein. C'est ce qu'il a dit. Donc rien n'arrive dans leur vie sans qu'il ne le veut. Que ce soit par malheur, s'il le considère comme malheur, que ce soit par bonheur, Dieu a décidé. Notez psaume chapitre 39. 139. Notez le psaume 139. Vous avez noté? Notez Lamentation chapitre 3, le verset 36 à 37. Lamentation chapitre 3. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 36 à 37. Notez Jérémie chapitre 12, verset 1 à 18. Notez Proverbe chapitre 16, verset 4. Notez le psaume 74, 73 et 74. Psaume 73 et 74. Voilà, c'est bon, c'est bien. Notez Hébreux chapitre 12, verset 4 à 12. Hébreux chapitre 12, verset 4 à 12. Il peut avancer maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce verset de Romains chapitre 8, je vous ai demandé de souligner la partie où vous avez noté la partie B du chapitre verset 28 de Romains 8. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Remarquez qu'il n'y a pas de point, virgule. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous avez souligné ça, hein? Appelés selon son dessein. Donc, la réponse à la question, c'est comment être en Christ. On peut même amplifier en disant qui peut être en Christ. Pour répondre à cela, j'ai provenu d'abord en vous préparant psychologiquement que ça peut choquer. Mais si ça choque, il n'y a pas de problème. C'est quand même la vérité. D'accord? Si quelqu'un me dit par exemple, je suis court, je me fâche là, je vais faire quoi? C'est pas la vérité. Je suis court ou je ne suis pas court. Voilà. Même si je me fâche, je suis quand même court. C'est la vérité qu'on m'a dit, même si ça me choque. Voilà. Maintenant, dans ce livre-là, on dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein, donc appelés selon son dessein. Maintenant, je vous pose la question, c'est quoi le dessein? Le dessein, c'est un synonyme qu'on peut mettre là, c'est quoi? Le plan. Voilà, merci beaucoup. Donc, on peut relire le verset en disant, Dieu va faire conclure toutes choses pour ceux-là qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui sont appelés selon son plan. Donc, il faut avoir été dans le plan de Dieu. Premier point. Premier point. Si je n'ai pas dans son plan, ça ne te concerne. Voilà. Il va aller doucement, d'accord? Vous voyez, c'est dans votre Bible, non? Je n'ai même pas fait l'erreur d'ouvrir la mienne pour vous dire que c'est moi qui écris. Je vous fais lire et on lit ensemble ce qui est écrit dans le vôtre, à moins que vous ne jetez même pas la suite. Donc, nous comprenons, en cherchant les synonymes pour mieux comprendre ce qu'il a de nous dire, que si vous êtes dans son plan, il va faire que n'importe quoi qui semble être mauvais travaille pour ton bien. Il veut dire, ne vous inquiétez pas, si vous vous rendez compte que vous êtes dans mon plan, je suis au contrôle de votre vie. D'accord? C'est ce que Dieu dit là. Maintenant, continuons dans le verset maintenant. Car ce qu'il a connu. Stoppons là-bas. Il finit par, pour ceux qui sont appelés selon son plan, puis il dit car c'est une justification pour amplifier ce qu'il vient de dire précédemment. Il dit car ceux, et c'est dit tout le monde, quand il dit ceux, ça groupifie même, ça de façon spécifique, ça amène un groupe précis. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça amène un groupe. Notez 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. 1 à 4, vous y êtes? Voilà. Suivez, concentrez-vous ici, concentrez-vous ici. Ne vous laissez pas distraire là-bas. La vérité se trouve ici, pas là-bas. Yes. Regardez. Donc, après avoir fini par de ceux qui sont appelés selon son plan, selon son dessein, on a compris que le dessein, c'est le plan. Ceux qui sont appelés selon son plan, il dit car pour justifier bien, pour amplifier ce qu'il a dit, ou mieux pour expliquer encore davantage ce qu'il a dit, car ceux qui a connu d'avance. Souligné, connu d'avance. Souligné, connu d'avance. Vous voyez, on devrait se poser des problèmes. La nature de Dieu, cette façon de fonctionner, devait nous pousser à poser des problèmes. Dans une des tranches ici, on a vu quelque chose où Dieu a fait résister son nom. On dit on mangerait devant le Seigneur. Et par rapport à la nature de Dieu, il est omniscient. Il est omniprésent. Donc, partout, il est là. Mais dans ce verset, on dit que là où il a fait résister son nom, là où, donc, devant Dieu. Or, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas avec sa nature. Parce qu'on dit, il est spécifiquement ici. C'est là où on va manger. Pourtant, sa nature montre qu'il est partout. Donc, ça devait poser problème. Voici encore une autre cité de problèmes. Il dit ici que ceux qu'il a connus d'avance. Dites-moi sur la terre, y a-t-il quelqu'un que Dieu ne connaît pas? Y a-t-il quelqu'un qui est sorti? Que Dieu dit que celui-ci, mais ils sont même d'où? Donc, Dieu connaît tout le monde, n'est-ce pas? Mais le connaître dont on parle ici n'est pas cette sorte de connaissance-là. Parce que Dieu connaît toujours. Il connaît combien de fourmis sont morts sur la terre. Combien doivent être là? Combien de fois tu vas battre tes yeux? Ce que vous pensez dans votre cœur, avant que vous ne naissiez, connaissez ce que vous devez penser. Que la femme se sera en train de faire son nez comme ça, pendant que celui-là baisse la main, et la femme sera en train de bouger comme ça. Celui-ci, vous voudrez me regarder comme ça, mais il ne me regarde pas en bougeant la tête. Vous voyez? Il savait tout cela, avant que tout ceci n'existe, n'est-ce pas? Maintenant, il connaissait toutes ces choses. Mais ici, on dit, car ce qu'il a connu d'avance. Donc, le mot connaître ici, ce n'est pas ce style de connaissance qu'il est au courant de toutes les choses. Ce n'est pas pour dire qu'il est au courant d'eux. C'est connaître-ci. Dans ce verset-ci, veut dire ce qu'il a sélectionné d'avance. Mettez au-dessus, écrivez sélectionné. Parce que si c'est la connaissance, ça veut dire que ça a le sens de le CEUX qu'il a mis là-bas, car ce qu'il a connu d'avance, ça n'a pas de sens. Parce qu'il connaît tout le monde. Il connaît tout ce qui est sur la terre. Pas vrai? On est donc ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance. Remarquez très attentivement, on dit ceux. Le simple feu là montre clairement qu'il y a un groupe. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Donc, si tu connais, s'il t'a sélectionné, il a un but pour lequel tu vas arriver dans son plan. Voici les vérités qui choquent dans l'évangile. Ça va mettre totalement hors d'état de nuit tous ces évangiles, que tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, lever la main. Et donne ma vie à Dieu. C'est pas comme ça, ça se passe. C'est pas comme ça. Ça peut bien être bien pour les sensations du moment. Pour essayer de nous conscientiser qu'on est chrétien. Mais c'est pas ça. Il faut vraiment répondre à la question, comment être en Christ Jésus. Pour être en Christ, il faut avoir été appelé à l'être. N'est-ce pas, frère? Donc, même à ça, vous ne pouvez pas dire Amen. Même si on ne dit pas Amen, c'est quand même la vérité. Parce qu'ici, il dit clairement, parce que regardez bien la question, comment être en Christ? Christ, c'est son fils. Il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Donc, être en Christ, c'est une prédestination. On est en Christ par prédestination. Vous y êtes? Pour que vous soyez en Christ, il faut que vous ayez été appelés à l'être. On avance, frère? Ok. Comment? C'est pas facile, comment? Ce n'est pas une œuvre qu'on dit qu'on fait. C'est un état. C'est un état. Mmh. On avance. Et ce qui est. Allons-y. Afin que son fils soit le premier né entre plusieurs frères. Voilà. Donc, il est le premier. Donc, Christ Jésus est le modèle exemplaire. Et toutes les autres répliques, les répliques qui vont venir là-bas, sont faites à son image. Un peu comme vous avez construit cette maison-ci, il y a les briques de papier. Quand vous observez ça normalement, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle le moule. Le moule, on prend ça, ça a une forme. On prend le ciment, on tape, ça sort. Le premier papin sera comme ce moule. Le deuxième sera comme ce moule. Christ est le premier né d'entre plusieurs frères. Amen. Donc Christ, Jésus, Dieu regarde les êtres humains en comparaison avec Jésus. C'est pour ça que hors de Christ, il n'y a pas de vie. Vous faites n'importe quoi, ce sera vêtement souillé. Le modèle qu'il a mis, c'est le Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Voilà. Continuons maintenant. Et ce qu'il... Et ce qu'il a prédestiné... Stop. Soulignez ce qu'il a prédestiné. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi... Appelé. Donc, Dieu appelle qui? Vous avez moi? Ceux qui sont sélectionnés. Donc, ceux qui sont connus d'avant. Donc, ceux qui sont prédestinés. Donc, appelés, ce n'est pas prédestination. D'accord? Ok. Maintenant, donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Il les a prédestinés, il les appelle. Et souvenez-vous, c'est à cause de son dessein, de son plan, donc le but pour lequel il veut achever. Il va accomplir quelque chose. Pour cela, voici la maison par exemple. Regardez en haut, il y a la tôle. Vous comprenez cela? Il y a la tôle. Il y a la charpente. Il y a l'électricité qu'on le voit. Il y a le mur. Il y a la fenêtre. Quand vous regardez ça, ce n'est pas la même personne qui a fait. Nous sommes d'accord? Il y a des gens qui sont chargés pour mettre la charpente. Vous prenez celui qui a fait ceci, il ne pourra pas mettre cela. En fait, si vous venez, vous voulez faire un diagnostic de la maison, vous appelez quelqu'un. Vous dites que vous voulez construire une maison. Il dit, je suis architecte. Tu finis de faire l'architecture. Il dessine. Il dit que... je veux 4 chambres, 3 salons, avec 2 douches internes et 3 cuisines. Il dit que moi, je veux creuser la fondation. Vous ferez mieux de le quitter rapidement. C'est pas vrai. Et même si vous lui donnez, il creuse la fondation. Vous savez que vous ne pouvez pas habiter dans cette maison-là. Parce qu'il doit expérimenter dans un domaine. D'accord? S'il finit, il creuse la fondation. Il commence à faire, il dit maintenant que la planche, s'il veut faire la planche avec le bois d'acacia. Que même celui même qui a rapporté le bois. Vous ferez mieux de fuir, n'est-ce pas, frère? Après, il finit, il dit que vous devez installer l'électricité. Si vous êtes, il faut être fou pour accepter qu'une seule personne construise votre maison. Chaque personne donc a son rôle. Il y a le charpentier, il y a l'électricien. Quand celui-là, l'électricien ne peut pas venir à la fondation de la maison, il dit qu'il veut mettre l'électricité. Il va mettre l'électricité où? Il faut que la fondation soit mise, les portes, les trucs soient mis pour qu'il commence à creuser pour passer le câble au mur. Quand il finit de passer le câble au mur, maintenant, le carrelage va venir. Ce n'est pas l'électricien qui fait ça, ce n'est pas son rôle. Le carrelage est censé venir là-bas pour faire cela. Quand il finit tout cela, le peintre vient cette fois-ci. Parce qu'il y a l'art de la peinture. Il y a un peintre qui doit faire telle chose. Normalement, c'est comme ça. Pour quelqu'un, c'est de respect. Mais aujourd'hui, on nous a tellement spoilé dans la société où tu vois un Africain seul. Il peut faire 800 jobs. Vous comprenez cela? Parce que normalement, c'est la spécialisation. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, nous voyons ici, clairement, que Dieu a un plan. Il a un but précis. Il a un but. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il a un but qu'il veut atteindre. Ce but-là, il prépare les gens qui vont faire cette tâche-là. L'apôtre Paul devrait être apôtre. Jérémie est né pour être prophète. Avant que tu sortes de ta vente d'Amérique, tu avais établi prophète sur des nations. Pour qu'il soit là, il faut qu'il y ait des gens pour qui il va prophétiser. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, alors, prédestination. On prédestine quelqu'un parce qu'on l'a connu d'avance. Et comme il le connaît, ça veut dire qu'il t'a vu avant que tu ne naisses. Il t'a vu à ta tâche. Donc, tu ne peux pas forcer ça. Ça veut dire que si tu n'as pas été appelé, monte comme tu descends. Va fréquenter et mets l'église, compte théologie ici, mets des diplômes chez toi. Filme-toi avec le pape, c'est pour toi et ta famille. Vous savez, c'est ça? Hein? Je n'ai pas avancé. Alors, continuons dans le verset alors. Et ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Stop. Il les a aussi justifiés. Justifié, ça veut dire que déclaré non coupable. Déclaré non coupable. C'est pour ça qu'au verset 30 et 31, il va dire que qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Vous voyez cela? Donc il n'y a plus de condamnation pour eux. Même Satan vient et dit qu'il avait fait comme ça, il avait fait comme ça. Jésus dit, il n'a jamais fait ça. Prouve. Son dossier, c'est entre ses mains. Celui qui juge et qui condamne, c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez cela? C'est lui qui est venu justifier, non? Il est notre avocat, non? Celui qui va juger, non? Si tu as celui qui justifie, qui punit, qui condamne, qui est de ton côté, qui va te condamner? Amen. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit que, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc, non? Si Dieu est pour nous, qui sera? Maintenant, soulignez-nous. Nous l'avons mis pour qui? Sélectionné. Voilà. C'est comme ça que vous devez lire dans la Bible. Yay. C'est donc comme ça. Comment tu dis, hey frère? On a la vie depuis tôt, depuis qui on a parlé, non? Ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser le verset qui est en haut là-bas dire que vous allez acheter chez les pasteurs, on achète que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il coupe la partie là. Il veut vendre pour avoir son argent. Tu mets ça à la maison, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu vas réfléchir par 4 fois le nous là de qui il est question. De la même façon, tu vas réfléchir par 4 fois. On dit si quelqu'un est en Christ, c'est qui c'est quel? quelqu'un, tu dois répondre à ces questions. Parce qu'écrire le verset là au mur, ça ne fait rien à Satan. Si tu veux couler l'habitude, tu dis que je suis couvert par le sang de Jésus, il va te gifler, tu vas voir. Porte le nom de Jésus partout, tu as écrit partout les tatouages, tu écris Jésus, mets la croix par ici. Il va te gifler avec la croix là. Vous avez dit tout à l'heure que vous m'aimez, que je dois dire la vérité, non? La vérité, frère. Il y a quand même une question qui taraude un peu dans ma tête. Oui. Comment donc connaître qu'on est prédestiné? Bonne question. Bonne question. On arrive là. On arrive. On va chuter par là. La chute, c'est là. Oui. On va chuter là, n'est-ce pas, frère? C'est là la chute. Oui. Il faut qu'on y arrive. Et c'est là où ça va faire mal. Oui. Applaudissons pour le frère, applaudissons pour lui. Oui, ça va faire mal. Ça va faire mal. Vous avez deux choix. Je crois qu'on a préparé là-bas pour qu'on prenne la deuxième pause. Si vous ne voulez pas entendre, vous dites que j'arrête. Parce que vous montez, vous descendez, vous me laissez parler, je vais parler. Quand il va parler, le 26 va arriver, prendre l'avion, il va rentrer, ça sera entre vous et ce que vous avez entendu. Et si vous avez déjà entendu, vous ne pouvez plus rien faire comme vous n'avez pas entendu. C'est la Nevacune. Même si c'est Amen, ça va avaler, n'est-ce pas? Ok. Alors, Dieu nous révèle, je sens d'aller doucement, vous voyez, doucement. Dieu nous révèle qu'il avait un plan en lui. Il avait son plan. Et il a sélectionné. Le vrai problème, c'est qu'il sélectionne ces gens sans qu'ils ne soient même présents encore. Il sélectionne les gens avant la fondation du monde. Oui. Hier, nous avons vu ici par rapport au problème du livre de vie, noms dans le livre de vie. Oui. Les noms sont écrits à quelle période? Avant la création. Alors, si c'est avant la création, tu étais là? Hein? Non. Ok. Tu as fait comment pour que ton nom se trouve là-bas? Ok. On a aussi vu clairement dans la Bible d'Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Que les gens qui vont adorer Satan, c'est ceux dont le nom n'a pas été écrit, non? Oui. Avant la fondation, ils ont fait quoi pour que le nom ne soit pas écrit? Oui. Vous allez seulement dire, Dieu est souverain, il fait comme il veut. Point final. Amen. Voilà. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Cela. Amen. Voilà. On avance. On avance. Chapitre 9. Donc, chaque fois quand vous voyez un effigie, on a écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Allez là-bas, entourez le nous, là, vous demandez, nous, c'est qui? Vous laissez le flyers comme ça. Romains chapitre 9, avançons au chapitre 9. Vous êtes prêts à entendre encore des choses choquantes? Oui. Verset 10, qui va lire? À haute voix. Et de plus, il en fut aussi. Non, il ne lit pas fort. Quoi que? C'est ma Bible. Si, donc ma Bible, là, tu ne pourras pas lire. C'est coloré partout là. Je crois que tu vas te débrouiller. Et de plus, oui. Il en fut ainsi de Rebecca, oui. qui conçut du seul Isaac, notre père, oui. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, oui. Et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, oui. Afin que le dessein, l'élection de Dieu subsistât. Stop. Soulignez, dessein d'élection de Dieu subsistât. On est où? Romains chapitre 10, 9, verset 10. Vous y êtes? Il fut dit. Allons-y. Continue. Sans dépendre des œuvres. Vous avez entendu ça? Hein? Sans dépendre des œuvres. Oui. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Oui. Il fut dit à Rebecca. Oui. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. J'ai haï. Ésaü. Regardez-moi. Je pose la question. Jacob a fait quoi pour être aimé? Rien. Ésaü a fait quoi pour être haï? Rien. Donc, ça veut dire si Ésaü voit ça dans son livre. Dieu merci que c'est quand il est parti qu'on a écrit ça derrière lui. Donc, Ésaü était partout, il courait là-bas, il chassait le mouton partout pour aller donner au père. Il croyait qu'il était un bon garçon. Mais ce qui se disait de lui sur le plan spirituel, c'était autre chose. Amen. Et on a écrit ça post-mortem. Donc, ça veut dire qu'on a écrit ça dans la Bible pour lui rendre hommage que non, le gars a souffert sur la terre ici. Et on nous donne la révélation du pourquoi il était comme ça. On dit, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Donc on ne pourra pas dire que c'est parce que Jacob a fait telle chose qu'il a été choisi. Donc le choix de Dieu ne dépend de personne. Ça ne dépend pas de ta famille, de ton père, ni de ce que tu auras fait quoi. C'est parce que le choix est fait avant qu'il ne dise que la lumière soit. Ah ça, comment faire? C'est parce qu'on dit là, un dit, il fait dire à Rebecca, leur mère, elle a l'enfant dans le ventre. Les enfants bagarrent dans le ventre. Il dit, ah Seigneur, je t'ai demandé l'enfant, qu'est-ce qu'il y a? Dieu lui a dit, deux nations sortiront de ton ventre. L'aîné sera assujetti au plus petit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont fait quoi? L'enfant a fait quoi? Quand ils naissent, c'est comme ça que ça va commencer. Donc la bagarre a commencé dans là-haut. C'est normal que les enfants soient devant, ils commencent à faire comme ça là. Ils boxent, ils commencent à envoyer le furet. Dans étant les embryons, frère. Continuons la lecture, c'est pas encore choquant, suivant. Que dirions-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Loin de là. Donc en fait, quand vous lisez cela, vous faites le droit. Vous voyez clairement que c'est de l'injustice ici. Mais il faut comprendre la nature de Dieu pour arriver à comprendre et mettre en harmonie ce qu'il est de ce qu'on a de lui ici comme réalité. Et on va chuter sur cette réalité-là, véritablement, pour que vous compreniez ce qu'il en est, pour qu'il n'y ait pas de pierre d'achoppement. D'accord? Continuons. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Oui. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, oui, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Stop. Donc ça dit que si tu veux être sauvé, même toi-même, que je vais donner ma vie à Jésus, tu n'as pas le pouvoir d'être sauvé. Oui. C'est ce que la Bible dit. Dieu doit te faire miséricorde. S'il ne te fait pas miséricorde, bavard, c'est du bavard. Pleure ce que tu pleures, tes larmes. C'est pour ça que la chose qu'il a mis dans le corps qui ne finit pas, c'est la larme. Quand tu, depuis que vous pleurez, cousin, vous pleurez, les larmes sont finies. Vous voyez, la Bible déclare, parlant de cet Esaü là, si vous lisez le livre de Hébreux chapitre 12, on dit que faites attention, ne soyez pas comme Esaü que pour un droit, pour un repas vendu son droit de naissance. Vous, et il a perdu la bénédiction. Vous savez que voudrant l'hériter encore, il le sollicita, quoi qu'il le sollicita, avec pleurs. Les pleurs n'ont rien changé. Il pleurait sur le plan physique. Mon père, si vous avez lu l'histoire là dans le livre de Genèse, c'est choquant. Pour un père, il dit, mais il était aveugle, c'était un prophète. Humainement parlant, ce n'est pas normal qu'un enfant, comme père, donne la malédiction à son fils. Encore qu'il ait mangé même sa viande. Parce que son fils, sa mère a fait la supercherie par rapport à Jacob. Jacob est venu de la main, il a mangé. Quand l'autre est venu, il a toujours mangé sa viande. Hein. Il n'a pas refusé. Il a mangé, mais quand il a ouvert la bouche, sa part de manger là, c'était des malédictions. Il dit, mais il a touché le bras de celui-là. Il dit, mais le bras est le bras d'Esaü, mais la voix est la voix de Jacob. Elle a fait. Il a sorti la bénédiction pour Jacob. Il a sorti toutes les bénédictions. Quand il a fini de sortir, quelques minutes après, vroum, Esaü est entré. C'est quoi? Jacob, viens, il touche. Il dit, mais c'est toi. Mais la voix, c'est Esaü. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu tout à l'heure là? Le gars a compris qu'on a pris sa place. Mais sur le plan physique, c'est ce qu'il vivait sur le plan normal, comme nous vivons là. Mais le problème, c'est que ce que vous lisez dans la Bible là, il n'avait pas la Bible pour dire Jacob, c'est ceci. Jacob, c'est ceci. Dieu a seulement dit, comme, par exemple, comme cette soeur a eu le songe en voyant telle personne dans son songe. Dieu lui a dit, l'aîné sera sur Dieu plus grand. Le détail, il n'a pas donné ça. Nous, qui l'a donné le détail. Pour qu'on comprenne qui il est, comment il agit. Ouais. Eux, ils vivaient cet événement tout simplement. Par exemple, vous ne connaissez pas le verset biblique qui est écrit de vous, pas vrai? Vous ne connaissez pas ce qui est écrit de votre livre, pas vrai? S'il y avait d'autres générations encore, on va dire qu'il y avait telle personne au Gabon, à tel endroit, il avait fait comme ça. Donc, vous écrivez comme ça, il y a un écrivain qui vous regarde. C'est ce que je lui dis. Donc, de la même façon, eux ils vivaient, nous étions pas là, mais nous avons le compte rendu de leur vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Abraham n'a pas vu physiquement sa génération en Égypte, mais nous avons vu en même temps ce que Dieu a dit à Abraham, comment les descendants sont venus, comment ils sont allés en Égypte, comment ils sont sortis. C'est nous qui avons le compte rendu. Lui ne connaissait pas. Il a seulement su que mes enfants seront comme ça. Il a cru que Dieu va le faire et il l'a fait. Pas vrai? Donc le plus grave, c'est que nous lisons ça d'eux. Ça nous indique seulement la façon de Dieu d'agir. Vous devez être au courant par rapport à vous. Vous saisissez, n'est-ce pas? Moïse, lui, par exemple, dans Exode chapitre 32, comme on a lu ici, il a dit, pardonne à ce peuple, sinon, efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Dieu ne lui a pas dit, qui t'a dit que j'ai écrit ton nom? Dieu a dit, non, n'efface pas ton nom, j'efface le nom de celui qui a péché contre moi. Donc Moïse savait que son nom était écrit. L'apôtre Paul, non, ne savait même son nom et le nom des autres frères. L'apôtre Paul, il dit, les Clément et les autres dont les noms sont écrits dans le livre des vies. Il ne discutait pas là-dessus. Je vais vous dire pour vous, d'accord? Donc, s'il dit par exemple ton nom n'est pas écrit, ça veut dire que la prédication est arrêtée pour toi, pas vrai? Vous voulez entendre vraiment la vérité? Hein? Mais faites attention. Si je vous dis que votre nom n'est pas écrit, il n'y a plus de possibilité que ça soit écrit. Voilà. Ben, on continue la prédication quand même, n'est-ce pas? Donc, Dieu dit ici, dans Romains, il dit ici dans Romains chapitre 9, il dit ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde, donc tout est entre ses mains. Vous voyez? Quand vous lisez Jean chapitre 1, le verset 11 et suivant, il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, exaucia, le privilège de devenir enfant de Dieu. Ça ne s'arrête pas là-bas normalement. Il dit lesquels sont nés non du sang. Donc si ton père est pasteur, ta mère est prophétesse, ça ne fait pas un petit chrétien ton. Non, ce n'est pas comme ça. Il dit ni de la chair. Donc ça veut dire même si ton pasteur, même si quelqu'un prie pour toi pour que tu naisses de nouveau, il n'y a pas de possibilité. Il dit mais de Dieu. Donc pourquoi tu viens à lui, c'est Dieu. Jésus-Christ a expliqué ça. Père, mais qualité sur la terre. Nul ne peut venir au Père. Nul ne venait à moi si cela ne lui a été. Donc ça doit à ta voix été donné pour que tu viennes à Jésus. Vous avez suivi ce que Jésus-Christ parlait cela? À ceux qui ne le comprenaient pas, il a dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles entendent ma voix. Je les connais. Elles me connaissent. Elles viendront. Amen. Alléluia. Amen. Vous entendez le maître parler, n'est-ce pas? Il dit, je les connais, elles me connaissent. Elles viennent. Donc Jésus a prophétisé que ces brebis vont venir. Il dit à d'autres que pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Mes parents n'entrent pas en vous parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Si vous êtes ces brebis, vous entendrez sa voix. Il dit, je connais mes brebis. Le bon berger donne sa vie pour tout le monde. Il a dit ça? Non. Il a dit, bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis. Tu dois avoir été ses brebis. On est, devine pas que le Seigneur, c'est ton brebis, non, c'est ton brebis, c'est bébé. Pendant que tu parles, je ne te connais pas. Il te connaît. Que tu sois n'importe. L'aîné éthiopien, quand il rentrait de Jérusalem, Philippe et les apôtres Pierre et là, il savait qu'il était là. Est-ce qu'il savait qu'il était là? C'est lui qui a dit à Philippe que descend à Gaza, sur la route d'Azad qui est devenue là-bas. Descend. Il est descendu là-bas, il approcha de ses chars. Donc il était en haut, il voyait celui qui allait rentrer là-bas. Vous savez ça, n'est-ce pas? L'unique éthiopien. Oui. Il approche de ses chars. Quand il approche de ses chars, il a entendu le monsieur lire la Bible. Il les a dit. Il dit, tu comprends ce que je dis? Il dit, moi, c'est vrai que je suis instruit. C'est vrai que je suis le ministre des Finances. Mais je lis là, ce n'est que la lecture pour me distraire. Vous comprenez que ces choses-là, si ça n'était pas été donné, oublie. Mais tu vas lire ça comme l'histoire. Ça doit t'avoir été donné, même la compréhension. Vous comprenez ça, frère? Amen. Même ses disciples, il marchait avec lui, il ne comprenait pas les Écritures. À la sortie, il a fait. Il a ouvert l'intelligence pour qu'il comprenne les Écritures. Vous comprenez qu'aller donc à l'école de théologie étudier ça, c'est la folie, pas vrai? Voilà. J'ai pas avancé. Il dit donc, ça ne dépend ni de celui qui veut. Donc, si je dis là que je veux donner ma vie à Jésus, tu es en train de courir contre Dieu. Il faut que je donne ma vie à Dieu. Vous regardez seulement. Josué. Ouvrez le livre de Josué. Josué, chapitre 24. Non, ça ne se trouve pas là-bas, mon petit. Josué, c'est par ici. Donc, c'est le sixième livre après la Bible, après Genèse. Non, ça ne peut pas se trouver sur le livre. On a lu Deutéronome aujourd'hui. Après Deutéronome, vous allez trouver ce Josué-là. Josué 24. Chapitre 24. Vous y êtes tout le monde? Chapitre 24, dans le dernier chapitre de Josué. Si vous êtes, vous donne le verset. Souvenez-vous, ne fermez pas Romains où nous sommes. D'accord? Il peut aller? Josué chapitre 24, lisons les versets 19 et suivant. Qui va lire à haute voix? Tu peux lire ici, oui, tu pourras. Oui. Allons-y, à haute voix, frère. Josué chapitre 19. Non, chapitre 24. Chapitre 24, verset 19 et suivant, oui. Josué dit au peuple. Écoutez très attentivement ce qu'il va dire au peuple, Josué, le prophète. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Arrêtons d'abord. Vous voyez ce qu'il en est? Josué, c'est celui qui a fait entrer les Juifs à Canaan, dans le pays promis. Il se tient là-bas. Avec les yeux de l'aigle, il voit au futur ce qui va leur arriver. Il voit au futur ce qui va leur arriver. Il se tourne, il regarde le pays, il se tourne dans la vision. Il voit ce qui est prévu pour eux. Il dit que vous n'aurez pas la force pour servir l'Éternel. Continuons la lecture. Car c'est un Dieu saint. Oui. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Oui. Verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel. Oui. Et que vous servirez des dieux étrangers, oui. Il reviendra vous faire du mal. Vous entendez ça? Et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Vous entendez? Jésus a présenté les deux aspects de Dieu, la bonté et la sévérité. Continuons, frère. Le peuple dit à Jésus. Écoutez encore très attentivement l'être humain. Le peuple dit à Jésus. Non, car nous servirons l'Éternel. Le prophète leur a dit, vous n'aurez pas la force. Et l'histoire a donné raison au prophète. Nous servirons l'Éternel parce qu'il y a la bénédiction maintenant. Attends que Dieu se tait trois fois, quatre fois, il n'y a pas la nourriture. Ils vont dire que c'est Moïse là, cet homme là. Vous commencez à cet homme là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Faisons-nous un Dieu et retournons en Égypte. Voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va ressortir. Ou bien quand vous mangez toujours la viande, vous dites, ah, la viande, c'est chaque fois la viande, chaque jour. Avec cette nourriture misérable, la manne, en appelant la manne la nourriture misérable. Oui, mon frère, continue. Josué dit au peuple, vous êtes témoin contre vous-même. Oui. Que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Stop. Soulignez ça. Donc, quand c'est vous qui choisissez Dieu pour le servir, vous n'aurez pas les forces. Quand c'est lui qui vous choisit, cette parole-ci, « Je suis avec toi », sera toujours pour toi. Vous comprenez? Vous y êtes? Il dit, quand c'est vous qui choisissez Dieu pour le servir, vous n'aurez pas de force. Mais quand c'est Dieu qui vous choisit, votre faiblesse est là où il se manifeste. Vos faiblesses vont être le point de soutenance pour manifester sa gloire. Mais quand c'est vous qui choisissez Dieu, vous allez prendre chaque fois les initiatives par vous-même. Et quand ça va ham, donc quand ça va choquer, oh Seigneur, tu es où? Il va dire qui t'avait envoyé. Mais quand il dit Moïse, va en Égypte, ce n'est pas conventionnel qu'on envoie un être humain devant une armée de chars, de flèches avec un bâton. D'aller leur demander de laisser partir le peuple. Parce que l'armée céleste se trouve derrière cet envoi. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, il dit, le prophète se tient ici, il dit que vous êtes témoin contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi de servir l'Éternel. Continuons, frère. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ok, vous entendez, non? Ils sont trop forts pour ça. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà, c'est bon. Donc, Joseph montre clairement ici que ce qui va déranger les Juifs, ce sera un Dieu étranger en leur milieu. Et l'histoire biblique est pêle-mêle là-dessus par rapport à cette divinité étrangère que Dieu a toujours reproché à Israël jusqu'à ces jours, n'est-ce pas? Au point où leur Dieu est même lui-même venu dans la chair et Emmanuel s'est présenté là-bas, ils ont préféré un brigand au Dieu créateur. Fermons Joseph, rentrons dans notre Romain. Notez 1 Jean au chapitre 4. Notez, comme vous allez le noter, 1 Jean, chapitre 4. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, elles viendront. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de mes mains parce que mon Père qui me les a donnés, pas mon Père qui va me les donner, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Vous avez vu ça dans votre Bible, frère? Donc, quand j'étais avant de venir sur la terre, ce qui s'est passé au ciel, c'est que descend, sauve telle personne, frère Junior, tel frère, telle soeur. Tu les as vus, oui, c'est le nom, je les veux ici. Point final. Vous entendez ça, frère? Donc, avant qu'il quitte le ciel pour venir, qu'on dit, comme on a lu tout à l'heure, que dans le rouleau de vie, dans le rouleau de livre, il est question de moi, je viens pour faire ta volonté. D'accord? Ok, voyons donc cette volonté. Ouvrez Jean chapitre 6. Parce qu'il a dit dans. Nous avons lu ici dans l'autre partie. Où il a dit dans le rouleau, il est question de moi, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voyons donc sa volonté. Je suis dans Jean chapitre 36, où il me dit, il vous donne le verset. Jean chapitre 6. Oui. Vous y êtes? Oui. Lisons à partir du verset 36, juste à ce que je vous dis stop. Allons-y, mon frère, tu peux lire à haute voix. Verset 36 dit quoi? Écoutez très attentivement. Verset 36 dit, oui. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Oui. Verset 37. Oui. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Stop. Vous savez ce qu'il a dit? Tous ceux que feront quoi? Viendront à moi. Si le Père ne t'a pas donné à Jésus, tout ce que tu bavas sur la terre, c'est pour toi, ta famille et tes grands-parents. Il faut que Dieu t'ait désigné que tu dois venir à Christ. Nous parlons de comment être en Christ. Jésus répond. Que tous ceux que le Père me donne viennent. Continuons la lecture. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Oui. Et je ne les mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi. Vous entendez ça? Et je le. Oui. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On a vu ça clairement dans le livre d'Hébreux, n'est-ce pas? Il vient pour faire quoi? Oh, ta volonté. Écoutez maintenant. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Stop. À quel moment Dieu a-t-il donné ce pour qui Jésus est venu sur la terre? À quel moment il a donné ce personne à Jésus? Parce que le temps, le verbe étudié sur le passé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Donc avant qu'il ne vienne pour faire sa volonté, il lui a donné ses personnes. Donc il vient comme ça sur la terre pour les rechercher. Il a dit ça, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. C'est ce qu'on appelle le rachat. Il lui appartenait d'abord, par suite des dislocations, les gens sont éloignés, il est venu pour les appeler. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc elles sont d'abord ces brebis et se sont égarées. On parle des brebis égarées. Dans Luc chapitre 15, il parle de cet exemple-là, quel l'homme qui avait 100 brebis. Il a égaré une brebis. Il a laissé les 99 hauts sur la montagne pour aller chercher ce qui était venu. Quand il part chercher combien de brebis, frère? Une saison. Si en route, il voit 4 brebis, il va prendre les 4 pour rentrer chez lui. Il prend quel? Sa brebis. Okay. Il prend ça. Sa brebis. Il ne rentre pas tant qu'il n'a pas trouvé ça. Vous avez bien compris la Bible. C'est ça dont la Bible parle. C'est l'histoire de la Bible là-bas. Jésus est venu sauver. C'est les siens. Non. Venez, le salut pour tout le monde. Venez entrer. Entrez. Tout le monde. Venez entrer. On n'entre pas là-bas comme ça. Vous pouvez les emmagasiner là-bas pour prendre leur dîme. Les donner les pauses là-bas qui tapent la batterie pour se distraire. Chanter les musiques comme ça. Oh non, Jésus est bon. Il est. Ne chantez pas comme ça, il est quand même bon. Même si on ne chante pas comme ça, il est bon. Amen. Il est tellement bon qu'il faut qu'il envoie Satan en enfer. Parce que l'endroit le mieux pour Satan, pour qu'il ne dérange pas, c'est en enfer. N'est-ce pas la bonté de Dieu, ça, frère? Absolument. Continue ici. Mais que je le ressuscite. Donc, prends encore le verset, encore. Prends encore plus. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc, la volonté de Dieu, c'est que rien de tout ce qu'il a donné ne se perd. Donc, si Dieu a donné 99 000 personnes, il faut qu'aucune des 99 000 personnes ne s'égare. Et nous savons que Jésus-Christ ne peut pas désobéir à la volonté de Dieu. S'il rate une seule personne, il a perdu sa volonté. Il n'a pas accompli la volonté de Dieu. Parce que c'est celui seul qui va accomplir la volonté de Dieu de façon parfaite. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce qu'aucune des personnes ne s'égare. Il a dit, voici ma volonté. Comme je descends, s'il y a un sur la terre, il doit venir. Pas vrai? Donc, Jésus a accompli cela. Par conséquent, aucune de ses brebis ne doit se perdre. Continuons. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, un peu plus fort. Mais que je le ressuscite le dernier jour. Oui, continue. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Oui. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Oui. Et qu'il disait « N'est-ce pas là Jésus ?» Le fils de Joseph, voilà. Celui dont nous connaissons le père et la mère. Voilà. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Parce que normalement, il est né au milieu d'eux. Vous voyez comment les gens peuvent être voilés, n'est-ce pas? C'est terrible. C'est terrible. Donc, Jésus a dit ici que la volonté de son père, c'est que comme il vient comme ça, les sélectionner. Ils sont dit en langage simple pour que ça soit plus choquant, quoi. Les sélectionner. Ils sont tenus comme ça, il a dit que descend sur la terre. Tu as vu cette soeur, oui. Prends-la. Telle autre personne, prends-la. Ils sont de la liste. Dis, ok. Mais celui qui était là-bas, qui est là-bas? Judas. Allons-y, verset 65, voir. Verset 65. Oui. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Souligné. Vous avez entendu, frère? Vous avez entendu? Amen. Ok. Prends à partir 60 maintenant, avant d'arriver à ces 60, là, 65, pour qu'on comprenne. Suivez 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous comprenez que ça n'a pas commencé avec nous aujourd'hui, non? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et dès ce moment? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Oui. Et si vous voyez Nous sommes dans Jean, chapitre 6, nous sommes de lire verset 60 maintenant pour descendre à 65. Verset 62 déjà. Nous sommes à 62 maintenant, d'accord? Mm-hmm. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Donc il leur a dit une petite chose, ils étaient scandalisés. Et déjà, Jésus veut dire que si ça vous scandalise, si il vous dit vraiment que je suis Dieu qui était assis sur le trône, vous direz quoi? C'est que vous allez arracher vos cheveux, n'est-ce pas? Continuons, frère. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Oui. La parole que je vous ai dite, cet esprit est vie. Mm-hmm. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Oui. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Oui. Et qui était celui qui le livrerait. Stop. Donc, vous voyez, donc il est dans le groupe de la prédication. Il connaît tout le monde. C'est, même ici, ça devait vous faire déposer d'abord la Bible, réfléchir par deux fois. Donc, la personne qui arrête son agent, le jour qu'il a choisi, ça veut dire que c'est lui qui va le livrer. Et je dis, Judas, ça va, prends le ministre, tu as la poste de ministre des Finances. Il sait que c'est lui qui va le vendre. Les gens sont assis là, ils disent, maître, partage le bien à mon père. Il connaît distinctement, parce que la Bible déclare, il connaissait ceux qui croyaient en lui et ceux qui ne croyaient. Mais il ne dit pas que toi, tu ne crois pas en moi, il te laisse seulement, tu continues ce que tu as de continuer. C'est ça le vrai problème. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le chien, c'est le chien. Le chat, c'est le chat. Il n'est pas venu modifier le chat. Il est venu, il a dit, il est venu chercher les brebis. Si tu es un mouton, si tu es un bouc, c'est ton problème. Il est venu chercher qui? Les brebis. Si tu es si le chien, il va faire comment de toi? On a écrit quelque part, il est venu chercher les chiens. Voilà. Continuons, frère. Verset 65. Oui. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Il dit ceci en contraste parce que les disciples ont dit, ont murmuré en eux-mêmes en disant, cette parole est Dieu qui peut écouter. Il veut leur dire par là qu'en fait, ce n'est pas pour tout le monde. Il dit, vous dites, cette parole est Dieu qui peut écouter. Il dit, ok, en fait, c'est pour ça que je vous explique depuis que vous ne pouvez pas venir si ce ne vous a été donné. Donc quand il parle, parce que la parole qu'il parle là, ça ne sépare les gens. Il dit, non, cette parole est Dieu qui peut écouter. Donc, ça n'a pas de prédication là, ça sort de l'ordinaire. Chacun prend son sac. Continuons, le frère. Verset 66. Oui. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils étaient quoi? Ils n'allaient plus. Ils étaient quoi? Ils étaient d'abord quoi? Disciples. Ils ont pris le sac. Chacun a commencé à parler. Que si tu veux, tu restes avec le gars là, c'est ton problème. Vous avez entendu parler, les gens parlent comme ça, qu'on va boire son sang. C'est un franc-maçon. Continuons, frère. Verset 67. Oui. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez comment Jésus-Christ fait? Même ce passage-ci met en déroute tous les pasteurs d'aujourd'hui. Les pasteurs d'aujourd'hui, tu peux venir avec minuit, tu montes tes fesses dehors et ne te dis rien. Parce qu'il dit qu'on ne chasse pas les gens de l'air. Les gens sont partis jusqu'à demander aux autres, mais vous même partez aussi, non? Parce qu'il n'est pas là pour leur argent. Il doit dire la vérité de les séparer. Véritable de les séparer. Vous voyez cela? Il y a des gens que si le catholique en ne dit pas Marie, parce qu'il dit Marie, il va se fâcher. Si il dit Marie, vous ne devez pas prier, Marie, tu pries, tu vas finir, tu pars en enfer. Si tu veux, tu sautes, tu cales en l'air, ou bien tu mets ta tête au rail, c'est quand même la vérité. Si la personne vient, il dit que non, il ne vient plus là-bas, il aime juger les gens, c'est son problème. Tu veux leur quand même dire la vérité. Il va partir n'importe où. Chaque fois qu'il va vouloir prier Marie, ma voix va venir, tu pries Marie, tu iras en enfer. Vous voyez? Alors ici, il dit, ses disciples, après avoir entendu ça, plus de ses disciples ne partaient plus avec lui. Il laisse tourner vers ses autres disciples 12. Il dit, vous aussi, vous ne partez pas. C'est que j'ai le prédicateur qui chasse plutôt les gens, frère. C'est que j'ai le prédicateur qui chasse les gens. Simon Pierre dit, à qui d'autre iront? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, la parole qui a chassé les gens et qui fait que les gens ne comprenaient pas, a fait que d'autres personnes, eux, comprennent que c'est plutôt les paroles de la vie. La même parole. Amen. Vous voyez cela? Ok. Donc, on dit que c'est une épée à double tranchant. C'est cette parole dont il est question. La parole des vérités, quand ça sort, c'est pour séparer le vrai du vrai. C'est pour cela. Plus tu es contre Dieu, plus on va prêcher la vérité, ça va t'énerver, tu vas aller comment lutter contre Dieu pour aller dans ton camp. C'est l'œcuménisme qui fait que non, ne touchons pas les sensibilités. Dieu est chez tout. Touchons, regardons dans nos points religieux le point commun. Dieu ne regarde pas le point commun. Il regarde la vérité. Amen. Il regarde la vérité. C'est la parole qui doit séparer. Donc, on passe à l'union que tu es catholique, tu es témoin de Jéhovah, tu es. Vous savez que j'ai des dieux là. Vous avez les divinités hautes là-bas. Quand c'est Dieu, si Élie, vous faites déjà des réunions. Élie et Moïse entrent, vous êtes tchan. Pendant qu'Élie sera en train de vous bombarder avec la parole, Moïse va finalement défendre le feu sur vous. Parce qu'il va venir dire, vous devez choisir entre Dieu, le Dieu d'Israël, et les idoles. Dans ce livre de Josué que nous avons lu, Josué va finir par dire, choisissez aujourd'hui ce que vous voulez servir, soit les dieux que vos pères ont choisi. Quant à moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Ils ont choisi, ils ont fait un choix clair. Donc ici, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Cependant, l'un de vous est un démon. Donc il a choisi même l'ennemi au milieu de l'enclos. Pour qu'il vienne établir, il vienne accomplir ce qui est écrit. Vous y êtes? Voilà. C'est pour cela que je vous ai donné Jean chapitre 17 dès le départ. Dans Jean chapitre 17, lorsque le Seigneur sera en train de prier maintenant, il va prier pour ceux qui sont du milieu du monde lui appartenant. Il va dire à Dieu qu'ils étaient à toi et tu me les as donnés. Vous y êtes? Allons dans Jean chapitre 17 donc. Donc comment être en Christ? Vous-même vous commencez à comprendre que l'heure est grave, n'est-ce pas? Jean chapitre 17. Oui, verset. Attendez, les gens ouvrent là. Vous étiez dans Jean chapitre 17. Vous allez avancer rapidement au chapitre 17. Je vous ai donné ça aujourd'hui. Jean chapitre 17. Lisez le verset 6. Allons-y. Verset 6, allons-y. Jean chapitre 17, oui. Verset 6. Écoutez très attentivement. Oui. J'ai fait connaître ton nom, oui, aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Oui, vous lisez ces quelques versets, ça doit vous pousser à poser des questions. Ici, il ne s'adresse pas à des êtres humains. Ses disciples sont là, il a fait la prière en regardant le ciel. Il dit, Père, j'ai achevé la course, vous voyez, j'ai achevé l'œuvre. J'ai fait connaître ton nom, il ne s'adresse pas aux disciples. C'est les disciples qui entendent les paroles de sa prière qui s'adressent au Père. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il a dit ça, ses disciples sont là à gauche, vous voyez. Et quand ses disciples sont là, il donne le renseignement à ses disciples là que c'est le Père qui leur a donné à Jésus. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. La question c'est, quand est-ce qu'il a donné, par exemple, l'apôtre Pierre à Jésus? Donc quand il vient sur en bordure de la Galilée, alors qu'il est en train de jeter le filet, il dit, lève-toi, suis-moi, je te ferai pêcher d'homme. Ça c'est l'appel physique. Mais il y a un problème avec Pierre et Jésus depuis le ciel. Parce qu'il dit ici, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Tu m'as donné du milieu du monde. Vous voyez, il vient choisir Pierre, il dit, toi, suis-moi, Thomas, Barthélemy, suis-moi, Philippe, ainsi de suite. Il est choisi, il vient. Ils ont comme impression que c'est là où ça a commencé. Ils avaient été destinés à cela. Vous suivez ça? Amen. Dans Actes apôtres chapitre 10, il dit même que les témoins qui étaient choisis pour voir jusqu'à la résurrection étaient choisis d'avance par Dieu. Choisis d'avance par Dieu. Même les sélectionnés, ce n'est pas tous les disciples qui ont vu Jésus ressusciter. Ils ont été sélectionnés que quand Christ va ressusciter, tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Amen. Ils étaient choisis d'avance par Dieu. Vous êtes là, frère? Amen. Alors, toute la Bible parle de prédestination. Toute la Bible. On avance. Rentrons dans notre Romains chapitre 9. Donc. N'oubliez jamais où on est en train d'aller. D'accord? Donc, on se situe donc là où vous avez arrêté aujourd'hui. On a dit que cela ne dépend donc pas de qui, celui qui est venu, de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. D'accord? Allons-y. Car l'Écriture dit Pharaon. Juste dans Romains chapitre 9. Chapitre 9. Verset 17 maintenant, allons-y. Verset 17. Ouais, allons-y. Car l'Écriture dit à Pharaon. Oui. Je t'ai suscité au dessein. Pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Vous entendez ce qu'il dit là? Vous lisez ça. Vous avez deux choix. Ça vous dépose à Dieu, vous ne lisez plus jamais. Ou bien vous lisez davantage en disant que Dieu est souverain. Il transporte cette chose, cette compréhension aussi au temps de Moïse. Vous vous souvenez quand Moïse allait confronter Pharaon? Il dit ici, il explique que l'Écriture dit de Pharaon, par rapport à Pharaon qui était au temps de Moïse, que j'étais suscité à dessein. Donc c'est Dieu qui a suscité le Pharaon. Donc le jour où la mère de Pharaon, le père de Pharaon, a rencontré la nuit là, le spermatozoïde qui est entré pour féconder, c'est Dieu qui a voulu que ça féconde, que ce soit l'enfant mâle. Quand il sort, l'orientation politique pour aller dans la politique, c'est lui qui a destiné. Dès que la gamète mâle a rencontré la gamète femelle, la destinée de Pharaon était écrite. Il est né pour être roi. Pour être le roi qui va confronter et refuser Dieu. Pour que Dieu le détruise, pour qu'on dise que Dieu est souverain. Amen. Allons encore, verset 17. Amen. Allons-y. Verset 17. Oui. Car l'Écriture dit à Pharaon. Oui. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Stop. Dessein, on a dit que dessein, c'était quoi? Plan. Donc, ça dit que ce Pharaon est venu selon le plan de Dieu pour montrer en lui sa puissance. Donc, Dieu dit, comment je vais faire pour que les gens se sentent puissants et il faut qu'il fasse quelqu'un qui est rebelle. Rebelle, comme ça. Il dit à Moïse, sous l'Isée, Ésaïe chapitre 7, il dit à Moïse, va, dis à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple qui me sert dans le désert. Voici, il donne le renseignement. Voici, je vais enrichir son cœur, il ne laissera pas partir. Vous lisez la Bible, frère, vous allez vous poser des questions. L'Écriture dit de Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié dans toute la terre. Donc il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Il donne le renseignement que je vais endurcir son cœur, il ne laissera pas partir. Moïse fait poum, poum, poum, il en. Ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple. Il dit, fous-moi le camp. L'Éternel c'est qui? Donc il dit, fous-moi le camp. L'Éternel c'est qui? C'est Dieu qui a endurci. C'est pas ça, frère. Il dit, Dieu fait comme ça là une fois. Il fait deux, trois, quatre, cinq fois. Il dit cette fois-ci, il a envoyé moi cette fois. Il dit qu'il endurcissait pour que Pharaon soit en plus endurci. Il dit, sors de ma présence. Dieu dit, ok, prends le pouls, ferme ça pour ça va devenir le pouls. Pour que les corocor montent sur le visage. Quand ça va monter, il va laisser partir. Quand le corocor était là, waouh, waouh, il dit, ouh, ça c'est le doigt de Dieu. Yeah, c'est fort. Vous voyez, après il a tué le premier. Il a dit, mais écoutez tout attentivement. Il a dû tuer le premier de chaque personne dans la famille. Depuis le bœuf jusqu'à l'homme. Jusqu'au pharaon assis sur le trône. Donc même les enfants qui devaient mourir étaient prédestinés, sélectionnés. Vous y êtes? Vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir Jérémie va se tourner là-bas en regardant quand Christ va venir. Il dit Rachel pleure ses enfants. Et il ne veut pas être consolé quand ils ne sont plus. Vous voyez, j'entends des cris à Rama. Rama. Quelqu'un est là, il vous demande que qu'est-ce qu'il faut faire avec le Nebuchadnezzar qui est dehors. Il dit que j'entends les cris à Rama. La personne qui est devant vous entend, il dit qu'il entend des cris à Rama. Lui, il entend un cri qui va venir 800 ans plus tard. Il se trouve là-bas. Il dit j'entends des cris à Rama. Rachel pleure ses enfants. Il parle de Rachel, qui était la femme de Jacob, qui est morte depuis enterrée. Vous devez voir vraiment que celui-ci est fou. Comment il entend dire que la Rachel pleure ses enfants? Rachel n'est pas vivante. Et il entend entendre 700 ans, 800 ans plus tard, ce qui va venir. Il entend de parler ceci aux gens qui sont devant de lui. Il dit, Rachel pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée quand ils ne sont plus. Qu'est-ce qu'il entend d'entendre? Le moment où Jésus est né, Hérode va faire tuer les enfants en s'enquérant de l'âge de naissance, de 2 ans en dessous. Donc, 800 ans plus tôt, c'est préparé que les enfants devaient mourir. Vous entendez cela? Oui. Ok. Ça peut choquer. Ça veut dire que les femmes qui devaient naître à ce moment-là, quand une nature attaque cause ton enfant, tu ne sais pas que tu es dans une prophétie. Un de ces jours, tu entends le Romain entre les sortes d'enfants, il fait tchou! Pourquoi? Le problème, c'est que c'est nous qui lisons maintenant. Quand Jérémie avait écrit ça, ils n'avaient pas accès à cela. Et même quand ils lisaient, ils ne comprenaient pas. Quand ça s'accomplit, ils sont dans l'accomplissement de la chose. Quand les soldats ont cloué Jésus à la croix, pompe, ils ont pris les pourpres, les habits, ils ont fait waouh, le dessus c'est un long tissu. Comment, qui va hériter? Ils sont au moins 3 là-bas. Ils disent oh, tirons au sort. Ils font ça, oh, tombeau, tombeau, tombeau, tombeau, ta. On dit afin que ça s'accomplisse, ils ont tiré au sort mes vêtements. En faisant, ils ne lisent pas les sorts. C'est l'accomplissement. Chacun accomplit seulement. Vous êtes l'accomplissement des prophéties bibliques sans vous en rendre compte. On peut continuer, frère? Oui. Allons-y. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Oui. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Stoppons donc là-bas. Vous prêchez devant à quelqu'un. S'il ne croit pas, quel est le premier frère? L'endurcit. Qui l'a endurci? Qui l'a endurci? Dieu. Vous allez comprendre donc que la prédication ne dépend pas du prédicateur. Ce qui va sortir ne dépend pas de lui. Ce que ça va faire là-bas ne dépend pas de lui. Celui qui reçoit ne dépend pas de lui. S'il croit, ça ne dépend pas de lui. S'il ne croit pas, ça ne dépend pas de lui. Fin de citation. Amen. C'est la Bible. Non. L'Écriture dit, il endurcit qui il. Il fait miséricorde à qui. Ouvrez Éphésiens chapitre 2. Ne fermez pas ici. Ouvrez Éphésiens chapitre 2. Il va là-bas rapidement. Avancez seulement devant. Avancez devant. Éphésiens chapitre 2. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Donc, il ne doit pas donner. S'il continue à parler, là, il veut parler jusqu'à une semaine. Donc, je crois qu'il veut écouter ça maintenant. Éphésiens chapitre 2. Prenons le verset 6, frère. Allons-y. À partir du verset 6. Oui, écoutez. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans Jésus-Christ. Vous entendez ce que l'apôtre Paul dit ici? Quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec tous ceux pour qui il est venu. Et à l'heure où il parlait et à l'heure où on parle, les gens pour qui il est mort sont déjà ressuscités et assis dans le lieu céleste avec lui. Donc pour lui, c'est ressuscité, c'est terminé. Même si tu n'es pas dedans. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Donc, si tu n'es pas Christ, si tu n'avais pas été crucifié avec Christ, il ne viendra plus une deuxième fois pour mourir. Et ta part, c'était... C'est en enfer que tu vas te retrouver. Notez Apocalypse chapitre 20. Notez. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Notez Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15. Je n'ai pas demandé de l'ouvrir parce qu'on est dans Ephésiens là. Je vais arriver à avancer rapidement. Donc c'est quand il dit quelque chose qu'un verset m'est présenté. Alors, dans cet Ephésiens chapitre 2, le verset 6, il dit qu'il nous a ressuscité avec lui, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ. Continuons maintenant. Oui. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, écoutez, Mina, écoutez. Continuons. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous avez entendu ça, hein? Comment on est sauvé, frère, d'après ce qu'on a dit? Donc, on dit comment est-ce qu'on est sauvé? Qu'est-ce que c'est qu'une grâce? C'est le don de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une grâce? Faveur imméritée. Donc, tu ne dois pas mériter quoi que ce soit. Maintenant, je vais vous poser la question. Deux personnes se lèvent, par exemple. Deux personnes se tiennent debout. Je vais donner un exemple pour vous comprendre ce que sont les deux personnes. N'aie pas peur, n'aie pas prophétisé contre vous. Voilà. Même si vous êtes trois, il n'y a pas de problème. Ces trois personnes, s'ils marchent, ils sont généralement amis dans le monde. Un prédicateur se tient là, il prêche. Celui-ci croit, il rentre vers celui-ci croit le même jour. Les autres se disent que le cougar là, il dérange. Celui-ci croit, sa vie est transformée. Son comportement vis-à-vis de ceux-ci commence à changer. Il ne marche plus dans la boue comme eux. Le bois de nuit, c'est terminé. La petite amie qu'il avait commence à terminer. On dit, qu'est-ce que tu es devenu bizarre? Parce qu'il y a une transformation. Quand on a prêché, qu'est-ce qui a fait que celui-ci croit? Qui a fait qu'il croit? C'est pas la grâce. Parce qu'on dit, c'est pas la grâce que vous êtes sauvé. De les sauver par, est-ce qu'il mérite? Non. La question maintenant se trouve maintenant sur les autres. N'est-ce pas la même parole qui est sortie pendant que ceux-ci étaient là? Oui. Qu'est-ce que ceux-là ont fait pour ne pas être sauvés? Ils n'ont rien fait. Comment? Ils n'ont rien fait. Donc, ça veut dire qu'être sauvé, ce n'est pas élection. Puisque la grâce là, il n'a rien fait pour mériter. Et il n'y a qu'une seule personne qui accepte cette grâce là, c'est qui? C'est Jésus. Alors, ça veut dire qu'il a donné la grâce à celui-ci, il a refusé à celui-ci. Veuillez vous asseoir. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc, la source ne se trouve pas chez vous. C'est un don de Dieu. Qu'est-ce que celui-ci fait pour avoir le don? Parce que c'est un don. Il a donné le don ici, il n'a pas donné ici. Parce qu'il te connaît d'avance. Vous avez compris, frère? Continuons dans le petit ici. Oui. Verset 9. Oui. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc tu n'as pas dit que non, Seigneur. Depuis ma naissance, je pars à l'église. Ma mère était catéchiste. Ça, c'était pour toi. Il dit personne ne doit se glorifier. D'accord? Maintenant, regardez très attentivement. Le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Vous avez vu ce qu'il est? Donc, c'est en grosso modo ce qu'on disait dans le livre de Romains aujourd'hui. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Quand on voit ouvrage, on voit quelqu'un qui l'a façonné. Ayant été créé en Jésus-Christ. Souligné donc en Jésus-Christ. Nous sommes au verset 10 du chapitre 2. Vous y êtes? Parce que le problème, c'est comment être en Christ. Nous sommes son ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ pour. Jésus-Christ pour. En Jésus-Christ pour. Vous vous souvenez, il a un dessein. Il a un but. Il a un plan. En Christ pour. Pour des bonnes œuvres. Que Dieu, pas n'importe quelle bonne œuvre. C'est pas toi qui invente n'importe quoi. Il les a préparées d'avance. Pour que tu les accomplisses. Amen. Amen. Maintenant, comment être sûr donc que tu es en Christ? Je n'ai pas dit quoi que ce soit. On va lire un verset. Je vais vous regarder. Vous aimez? 1 Jean chapitre 4. Ne vous écrivez pas, vous avez déjà écrit ça. Tout ce que je vous dis, vous avez écrit. 1 Jean chapitre 4, je vous ai donné ça aujourd'hui. À la fin, je lis 1 Jean, à la fin, je lis. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Bienvenue, mon cher. Bon arrivée, d'accord? Frère Iba. Frère Iba. Frère Iba. Iba. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que le frère Iba, c'est Bamba Iba, c'est en Côte d'Ivoire. Vous y êtes? On a une nuance, oui. On y va. Ouais. Avant de lire ce qu'on va lire maintenant, je fais esprit de ne pas vous donner le verset. Patientez. Parce que vous pouvez lire là, vous fermez la Bible, il ne va pas encore vous sortir. Patientez que je dis d'abord ce qu'il veut dire là maintenant. L'affaire de Dieu n'est pas une affaire de l'héritage charnel. Ce n'est pas une affaire d'héritage familial. Ce n'est pas une affaire d'héritage ethnique. Comme vous voyez, si un Gabonais va en France, il ouvre une église, comme on dit, les Gabonais vont là-bas. Ça, c'est l'institution et les institutions humaines. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Quand un Ivoirien va aller en France, vous allez voir que l'église des Congolais, en France, les Congolais vont dans l'église des Congolais. Les Ivoiriens vont dans l'église Ivoirienne. Et la Bible dit, Christ est-il divisé? Donc, si c'est Christ, ce n'est pas comme ça. Quand l'apôtre Paul va à Corinthe, Corinthe, ce n'est pas une ville des Juifs, il parle avec les païens, avec tous les autres chrétiens, parce que ce qui les unit, c'est qu'ils sont un en Christ. En Christ, donc, il y a une nationalité. La seule nationalité, c'est la nationalité céleste. La couleur ne fait absolument rien. Je vais revenir sur le mariage, le métissage dont les gens enseignent sur Internet en disant, ils ont poussé les gens même à divorcer. Celui qui était marié avec les blanches à se séparer avec cette mauvaise doctrine des démons. Donc, quand on va enseigner toutes ces choses, vous allez saisir. Mais je vous dis d'abord, dans le travail qu'on lit ici, que chez Dieu, ce n'est pas le sentimentalisme. Ne va jamais avoir un miroir, tu dis que mais un beau garçon comme moi, une belle femme comme moi, est-ce qu'il veut vraiment brûler en enfer? Souviens-toi qu'il y a des filles, des princesses et des grands rois qui y sont. Ils sont là-bas, oui. Ce n'est pas par considération en ta personne que Dieu le fait. Si Dieu a commencé avec toi une chose, il va se terminer. S'il n'a pas commencé, oublie. Et si tu te rends compte que tu es du diable, faut faire ça à fond. C'est un très bon conseil. Parce que si tu fais de bons yeux, ça ne te servira à rien. Tu sais, n'est-ce pas? Voilà. Si tu es en cellule, ou bien tu es en prison pour avoir commis de vol, on te arrête pour un poulet. Quelqu'un a volé 50 millions, vous êtes à la même prison, non? Donc ne va pas en prison pour avoir volé un poulet. Vole bien des poulets. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, de l'autre côté, que celui qui est saint se sanctifie davantage et que celui qui est juste se soit encore juste. Donc, on grandit dans la sainteté avec Dieu, du côté de Dieu. Donc, c'est fini, un pied dedans, un pied dehors. Le mot chrétien ne s'écrit pas avec gar pour que ça soit comme ça, un pied ici, un pied penché. Ça veut dire c'est totalement dedans, inclus. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Voilà. 1 Jean chapitre 4, verset 13. Allons-y, mon frère. Verset 13 dit quoi? Verset 13. À haute voix. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Écoutez bien la réponse à la question que vous posez depuis le départ. Oui. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Oui. En ce qu'il nous a donné son esprit. C'est bon. Je veux que chacun prenne en compte ce verset. Comment connaître que vous êtes en lui? La réponse est encore? En ce qu'il nous a donné son esprit. Donc comment savoir si on est en lui et qu'il est en nous? En ce que? Fermez la Bible donc tranquillement. Vous pouvez donc répondre à votre propre question. Suis-je chrétien? Suis-je en Christ? Vous devez poser la question et même vous répondre. Parce que si vous allez devant le miroir, vous regardez votre visage, vous pouvez regarder votre nez est plat comme pour moi, si vous dites que vous avez le nez long comme pour Jennifer Lopez. Le miroir vous dit comment est votre nez. C'est vrai? Dans le miroir, 1 Jean chapitre 4, verset 13, doit vous dire qui vous êtes, où vous êtes, comment vous êtes. Fermez la Bible. Que Dieu vous bénisse. Autre question? Oui. Bonne question. Donc, ça fait la continuation voilà. De ceci. Voilà, on a par exemple 1 Timothée 2, 4. Attends, tu étais ici quand il donnait ce verset. Il n'était pas là. Il donnait ce verset. Et vous remarquez que j'ai fait tout et tout. Je n'ai pas lu cela. Donc, c'est une fenêtre qui est ouverte. Vous avez remarqué bien dans votre feuille. Ouais, je vais donner 1 Timothée 2, verset 1 à 4. C'est exprès que j'ai donné ça et j'ai laissé. Allons-y, mon frère. 1 Timothée qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, comment concilier tout cela? Donc, on va regarder. Prenez une pause. Vous prenez un peu de l'eau et j'avance maintenant. C'est lui qui a décidé qu'il enfonce le clou. Donc, on va enfoncer le clou maintenant. On est ensemble. Ou bien on continue directement. Continue. Mais on casse la baraque une fois, on continue. On casse. Oui. Personne ne veut la pause. Ok, ok. Notez Esaïe chapitre 53 à la suite de son passage. Esaïe 53. Esaïe 53, vous avez noté. Je vais y venir maintenant. Notez Matthieu chapitre 26. Notez. Voilà. En fait, notez Matthieu chapitre 13 également. Que Dieu vraiment vous bénisse. Donc notre frère pose la question, comment comprendre toutes ces choses par rapport à la responsabilité et la responsabilité. Quand vous comprenez la prédestination, il y a ce problème qui se pose. Notez encore Romains chapitre 9. Et j'aime la façon dont le Seigneur fonctionne. Vous remarquez, ça s'est posé, le problème s'est posé là et on s'est arrêté là-bas. Donc, vous avez ouvert 1 Timothée 2, n'est-ce pas? Maintenant, rentrons d'abord dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Regardez qu'on a lu jusqu'au niveau où on a dit l'écriture des pharaons, j'étais suscité à dessein pour montrer en temps ma puissance afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Puis il dit ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tout juste après ça, il y a une question qui va en droite ligne avec sa question. Vous y êtes? Lise le verset suivant. Verset Romains chapitre 9. 9. Tu t'es arrêté au verset 17. Verset 18. Oui. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est là où on s'est arrêté, n'est-ce pas? Regardez surprenamment comment le verset suivant va être donné. Allons-y. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Oui. Car qui résiste à sa volonté? Souligné. C'est une question qu'il faut qu'on réponde maintenant. Donc, vous voyez, ce que le frère pose comme question maintenant, c'est que la responsabilité. Dans ce cas, comment Dieu fait avec tout cela? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis des prédestinations? Puisque 1 Timothée 2, verset 4 dit que cela est bon et agréable devant Dieu notre Père, qui veut que tous les gens soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voilà la volonté de Dieu, d'après ce verset, que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Vous devez amener la Bible ici en harmonie. Quand les gens lisent cela, ils disent, non, voici Dieu, Dieu veut que tous les gens soient sauvés. C'est que Jésus est le premier désobéissant de ces mêmes versets. Je vais vous expliquer le pourquoi. Il peut aller. Notez Matthieu chapitre 11. Je vais seulement vous citer maintenant le verset. Quand je vais citer, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà lu cela. Écoutez très attentivement maintenant. Vous allez noter Matthieu chapitre 11. Jésus va dire, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père ou celui à qui le Fils veut le révéler. Donc si Jésus veut que tu connaisses Dieu, il doit s'y révéler à toi. C'est lui qui prend l'engagement de se révéler à toi. Vous êtes d'accord? Maintenant, la Bible déclare que quand Jésus parlait à la fois, il parlait en parabole. Les disciples sont venus poser la question au Seigneur Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? À vous. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais eux, tout est dit en parabole afin qu'en écoutant, ils ne comprennent pas. Je pose la question, ce ne sont pas les gens. Il est venu pour faire quoi, Jésus? Sauver. Pourquoi il ne veut pas qu'il soit sauvé? Pourtant, on dit, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Donc, il faut comprendre ce verset dans autrement. C'est, n'est-ce pas? Mais tu veux dire quelque chose? En fait, je suis souvent en fait, amené à comprendre ce que de la prédestination un peu comme le fait que Dieu connaisse toutes choses d'avance, mais il n'est pas forcément responsable de... Qui n'est pas responsable? Oui, mais il connaît toutes choses d'avance. Et donc, il connaît toutes choses d'avance. Quand il connaît, ça veut dire qu'il a seulement le renseignement dessus. Bon, c'est un peu comme ça que moi... Ouvre ta Bible donc, mon cher. Ouvre donc. Psaume 139, allons-y. Donc, non, c'est bon. En fait, quand l'être humain réfléchit, comme Dieu, on sait que Dieu est bon, on cherche totalement à le dédouaner. Lui dit qu'il y a des aspects qui tuent les gens. Quelqu'un dit non, Dieu ne tue pas. Il veut aider Dieu à dire que Dieu est bon. Dieu tue sans être un meurtrier. Il frappe sans être coupable. Vous comprenez cela? Ok, je vais commencer à aller. Le temps que vous trouvez ce que je suis en train de dire, vous me répondez. Qui a détruit la terre avec le déluge? Les gens qui sont noyés, là, ce sont les êtres humains. Qu'est-ce que Noé a fait pour ne pas être noyé? La grâce. Noé trouva grâce devant Dieu. N'est-ce pas, mon frère? Quand il est sorti de l'âge, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a bu le vin jusqu'à quoi? Fait quoi? Saoulé. Le premier saoulat, c'est qui? Noé. Qui est entré dans l'âge, n'est-ce pas, frère? Qui a trouvé grâce devant Dieu. Vous devez faire attention avec la Bible. Vous saisissez ça? Continuons ici. Psaume 139. Tu es hier. Lis-nous le verset 14 à 16. 14. À haute voix. Suivez ça dans ta Bible, d'accord? Écoutez. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Oui. Tissu dans les profondeurs de la terre. Mm-hmm. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Oui. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Soulignez ça dans votre Bible et puis on commence. Qui parle ici? Dieu. Non. Non, ça c'est... Qui est la personne qui a de parler dans ce psaume-ci? David, le roi David. David donne le renseignement que avant qu'un de ses jours n'existe sur la terre, sur le livre de vie, le livre de Dieu, tous les jours qui lui étaient destinés étaient écrits. C'est pas ça, frère? Mais toi, tu dis David a tort. D'après ce que tu viens de dire, tu veux dire que David n'est pas responsable de ce qui arrive à David et ce qu'il fait. Dieu lui dit dans Romains chapitre 8, verset 9, que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et ici, il dit clairement que tous les jours qui étaient destinés à David étaient inscrits sur son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. N'est-ce pas, frère? Ok. Prenons encore un autre personnage. Judas Iscariote, pourquoi il a vendu Jésus? Ne prenez pas Dieu comme un ingénieur opportuniste qui sait que telle chose va arriver, il utilise ça pour son bien. Ce n'est pas ça. Il a préparé les événements. Amen. Donc, particulièrement, le péché qui a commencé dès le départ, lui, il l'a préparé. Pas qu'il l'a vu, il l'a préparé. D'accord, mon frère? C'est choquant, n'est-ce pas? C'est à comprendre ça. Bon, je pose la question. Qu'est-ce que Jésus a fait pour mourir? Dis-moi, là, avec Jésus, tu vas comprendre parce que les autres ont péché. Qu'est-ce que Jésus, lui, il a fait pour mourir? Il veut que tu me donnes un exemple, une explication pourquoi Dieu doit tuer. Parce que c'est Dieu qui a tué Jésus. C'est ça, frère. Pourquoi Dieu tue Jésus? Parce que au travers de Jésus, en fait, Dieu voulait se servir de Jésus pour nous sauver. Pour nous sauver. Donc, il préfère tuer quelqu'un pour sauver une autre personne. Donc, Dieu tue, frère. Il tue. Il tue. Il a même écrit sur Jésus-Christ depuis l'entrée qu'il va venir comme ça pour mourir. Il a écrit ça de lui. Donc, c'est pas une... Donc Dieu est responsable de la mort de Jésus. Comment dis donc qu'il n'est pas responsable alors? Parce que là, je trouve que... C'est un cas particulier. Oui, c'est un cas particulier parce que le but recherché ici par Dieu, c'était au fait de se servir de Jésus pour sauver sa création. Bon. Or, attends. Cas... Oui, c'est bon, frère. Quand il vient sauver, est-ce qu'il sait les gens, il connaît les gens qu'il doit sauver? Est-ce qu'il connaît les gens qu'il doit sauver? Oui. Oui. C'est même bien comme tu n'étais pas là dès le début, quand on a développé ici. Il les connaît. Oui. Est-ce qu'il connaît qu'ils vont venir? Que ces gens-là vont venir. Est-ce que les gens peuvent s'empêcher de venir? Non, ils peuvent pas s'empêcher. Donc tout est prédestiné. Ça veut dire que tout ce que tu bavardes, c'est que si tu es destiné à venir, tu viendras de tous les... C'est pas ça, frère. Autre chose, quand est-ce que les noms sont écrits dans le livre de vie? Depuis la fondation. Dieu, en écrivant, pensait à cette personne, ou bien il savait tout simplement qu'il va venir un moment donné sur la terre. La personne vient par une génération spontanée, ou bien c'est pas la volonté de Dieu qu'il vienne. Ok, maintenant, je pose la question. Le jour où le père de Judas Iscariote est allé dire à sa belle famille que je vais épouser la maman de Judas Iscariote, il savait qu'il devait accoucher quelqu'un qui va livrer le Christ. Les parents là savaient. Quand l'enfant est né, il dit que, il mord le sein, il dit que toi tu t'es là. Pour eux, c'est un bon enfant qu'ils ont accouché, non? Mais la Bible déclare que c'est un démon. Qu'est-ce que tu en dis? On dit qu'il est né fils de perdition. Il n'est pas devenu fils de perdition. Il est né comme ça. Qu'est-ce qui se passe, frère? La Bible dit que le péché qu'il a commis, si tant que de demander pardon, on met la malédiction sur sa famille. La Bible qui dit ça. C'est prévu comme ça, 700 ans avant que lui-même ne vienne. S'il vient, il peut se soustraire à cela, frère. Il peut s'empêcher de vendre Jésus. D'abord, il a pris une seule pièce pour faire quelque chose par rapport à sa maison sur Jésus-là. Le jour où Jésus-Christ est mort, lui-même est mort, n'est-ce pas? En abandonnant les pièces d'argent. Il est né fils de perdition. N'est-ce pas, frère? Pharaon pouvait-il s'empêcher de désobéir à Dieu? Pourquoi? En fait, franchement, moi, ce qui me dérange un peu sur ce thème-là, par rapport à ce thème-là, c'est le fait qu'on me dise que c'est Dieu lui-même qui est responsable de nos actions, du mal que les gens peuvent faire. Non, attends, allons-y doucement, il faut bien qu'on se comprenne. Quand Pharaon enduisait les enfants en les donnant des exactions ont menacé les juifs là-bas. Qui avait fait ça? C'est Pharaon ou c'est Dieu? Suis attentivement. Je vais expliquer un peu un bref historique de la venue des juifs en Égypte. Ils étaient là, Joseph a été vendu par ses frères. Par la suite de la glorification qu'il va faire, le ministère qu'il va rendre là-bas, et on va être nommé premier ministre. Il va faire descendre ses parents là-bas au nombre de 70, ils vont grandir là-bas, ils vont commencer à se fructifier. Puis il va venir dans la génération, Joseph va mourir, autre pharaon va venir, qui n'ont pas connu toutes ces choses-là. Ils vont commencer à voir que maintenant, voici le peuple qui se multiplie au milieu de nous, ils sont plus nombreux que nous. Si une guerre s'éclate, là, ils peuvent se joindre à l'ennemi. Ils ont imposé maintenant que ceux-ci se deviennent les esclaves, n'est-ce pas? Dieu avait dit à Abraham que ça, tes descendants seront comme ça. Moi, je vais les faire sortir, non? Dieu leur a donné cet renseignement. Donc, c'est dans son plan que ça arrive comme ça. Parce que c'était une mauvaise chose, il devait arrêter. C'est dans son plan que ça arrive comme ça, d'accord? J'arrive là maintenant. Quand Dieu dit cela, la Bible dit, c'est Dieu qui a changé le cœur des Égyptiens pour qu'ils traitent les Israéliens comme ça, oui ou non. Si tu n'as pas encore vu, je te dis que tu es pas là-bas, tu peux le lire. Si tu n'es pas sûr, il faut que tu vous lisez. Tiens, là, lui, ça, frère. Bon, je ne sais pas si... Psaume 105. Courage, d'accord, mes frères. Amen, vraiment courage. Mm-hmm. Frère, tu vas te courager. Tu m'as dit, par exemple, je vais peut-être vous renseigner. Il faut qu'on courage. Psaume 105. Le psaume 105. Vous y êtes? Ok, lis-nous à partir du verset 20, frère, en descendant. Allons-y. Écoutez très attentivement. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. On raconte l'histoire comme ça de Joseph. Continuons, écoutez très attentivement. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte. Oui. Et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. On dit que c'est Dieu qui a rendu le peuple fécond. Donc la natalité qui était là, c'est Dieu qui faisait. N'est-ce pas, frère? Hein, mon frère? Oui. Continuons. Écoutez très attentivement. Il changea leur cœur. Stop. Vous entendez? Il changea leur cœur. Écoutez. Au point qu'ils haïrent son peuple. Donc Dieu a changé le cœur des Égyptiens pour qu'ils haïssent son peuple, dit la Bible. Qu'est-ce que tu en dis, mon frère? Tu vas dire que non, les Égyptiens étaient méchants contre les Juifs. La Bible déclare que c'est Dieu qui a changé leur cœur pour qu'ils haïssent les Juifs. Tu as encore de la défense, frère? S'il n'y a pas de défense, c'est que tu ne peux rien contre les Écritures, parce que les Écritures ne peuvent se contredire. Parce qu'on a déjà lu qu'il endurcit qui il veut, il fait miséricorde qui il veut. On se situe maintenant dans tes questionnements. Tu me diras donc pourquoi blâme-t-il encore? Parce que normalement, si je ne suis pas responsable de ce que je fais, dans ce cas, pourquoi on va me juger? C'est le grand thème de la Bible ici, là maintenant. Le grand thème de la Bible, c'est qu'en réalité, on ne te juge pas pour tes œuvres. On te juge pour ce que tu es. C'est de ça dont il est question. Parce que si tu n'es pas de lui, tu vas dire pourquoi tu es sorti de l'autre côté. Amen. Voilà. C'est de ça dont la Bible déclare là-bas qu'il endurcit leur cœur au point où il haït son peuple. Comment un Dieu qui est d'amour à son peuple et il pousse les gens à les haïr? N'est-ce pas, frère? La Bible déclare qu'il châtia, la suite dit, il châtia les nations à cause d'eux. Il ne permit pas qu'ils s'ajournent quelque part là-bas. Il ne permit pas qu'on touche, ne touchez pas à mes oins. C'est ici qu'on dit ça. Les oins là, c'était les Israéliens. Les pasteurs pensent à dire, ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas d'eux dont on parle. D'accord? Vous ne voulez plus parler, frère? Amen. Il y a quand même un souci. Quel est le souci? En fait, si Dieu ne doit pas me juger par rapport aux œuvres. Non, il ne peut plus me juger. J'ai été déjà jugé en Christ. Voilà. En fait, si ce n'est plus par rapport aux œuvres. Oui. Nous juger par rapport à ce que nous sommes. Oui. Mais moi, je trouve que. Il y a un problème. C'est, en fait, c'est Dieu qui permet à ce que. A permis, par exemple, que Caïn. Oui. N'est-ce pas? Oui. Soit du malin. Oui. Mais. Et que Dieu, encore, à la fin, doit le juger pour cela. Verset 20 de Romains, chapitre 19. Allons-y, verset 20. De Romains, chapitre 19. Chapitre 9. Écoutez très attentivement. Regardez, suivez ce qu'il a dit. Ça, c'est ton problème avec Dieu. Vous parlez n'importe quoi, il présente les écrits. Verset 20. Allons-y, alors, 1, 2, 3. Ô homme! Toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Continuons. Le vase d'argile. Écoutez. Dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21. Écoutez. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse oui. un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Stoppons donc là-bas. Écoutez. Vous avez vu l'image qu'il a prise là? Un potier prend la boue. Il décide qu'avec l'argile, s'il veut faire un truc, un pot en de très bon état, on pourra mettre à la présidence. Ce qu'on prend, l'argile pour mettre à la présidence, ce n'est pas la même chose que vous avez dans n'importe quel salon. Pourtant, c'est toujours avec l'argile qu'on a pris. Et c'est le même potier qui a fait l'autre tel modèle, avec tel niveau de luxe, et tel autre, avec tel niveau. Suivez maintenant la conséquence. Allons-y, suis. On est au verset 22. Oui. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère. Dieu voulant montrer. Et faire connaître sa puissance. Comme il a fait pour Pharaon là, oui. A supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Les vases là, de colère là, où il va recruter ses colères, sont formés pour. Donc dès le départ, quand on le fait comme ça, on dit que c'est pour te briser par la suite. Pas vrai, frère? Et. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Vous avez vu ces deux vases là, n'est-ce pas, frère? Les vases sont faits par le même potier. L'autre pour la destruction, l'autre pour là-bas. N'essayez pas de dédouaner Dieu et d'être plus bon que lui. C'est inchangeable, c'est ça qui est la vérité. C'est la Bible, ça. Ouais. N'essayez pas de dire que non, Dieu. La Bible déclare la Lamentation, chapitre 3, verset 36 à 37 que je vous ai donné. Il dit que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait voulu? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qu'arrive le bien et le mot? C'est pas que ça arrive, il dit que non, j'ai permis que va faire. C'est pas ça. Il y a des moments où c'est lui-même qui tue, n'est-ce pas, frère? Vous avez vu ça dans la Bible, non? C'est-à-dire que ce n'est pas le démon qui fait, que c'est lui-même qui fait. La Bible déclare dans Exode chapitre 4, le verset 24, que au courant qu'à Moïse allait en Égypte, l'Éternel attaqua Moïse pour le faire mourir. Dans Genèse chapitre 31, il a passé toute une nuit à bagarrer avec Jacob. Jacob l'a boxé comme ça, il a confirmé que les hommes ne sont pas sérieux sur la terre. Lui-même, n'est-ce pas, frère? Vous avez lu ça dans la Bible, non? Si il a fait comme ça, Jacob a esquivé, il a donné ce bang. Jacob a fait comme ça, il dit, mais s'il ne fait pas comme ça, le garçon ne va pas me laisser. Jusqu'à ce qu'il a béni Jacob là-bas, n'est-ce pas? Toute la nuit. Boxé vrai, vrai, à main nue. Il a cogné Dieu. Quand il fait comme ça, c'est bizarre, n'est-ce pas? Ça, les musulmans vont dire que ta tête ne tient pas. Que l'homme, Dieu va venir bagarrer avec les gens comme ça. Tu es fou, c'est mal, le grand Dieu là, oui. Il est tellement grand qu'il peut se rendre petit sans pour autant que sa grandeur ne diminue. D'accord, frère? Amen. Il est tellement grand qu'il peut se rendre petit sans que ça ne touche rien à sa toute puissance. Parce que le Dieu des musulmans n'est pas tout puissant. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas devenir un homme. Quand tu dis que Dieu qui est tout puissant ne peut pas devenir un homme, donc il n'est pas tout puissant. Il est tout puissant, il peut devenir le ventilateur en étant toujours Dieu. C'est ça qui montre qu'il est tout puissant. Donc étant bébé, là, si tu étais le mari, regarde Marie, c'est lui qui l'a créé. N'est-ce pas, frère? C'est exactement, c'est vrai, c'est ça. Quand il courait là, avec les petits enfants au quartier, là-bas à Nazareth, donne mon ballon, pendant qu'il faisait ça, il contrôlait tout l'univers. Hein, frère? C'est choquant, mais c'est la vérité. Alors, maintenant, quand nous lisons ici, que si Dieu voulait montrer sa colère, a supporté les vases de colère formés pour la perdition. Ils ne sont pas devenus des vases de colère, ils sont formés pour cela. Parce que l'écriture des pharaons était suscitée à dessein. Pharaon n'a pas voulu venir sur la terre. Son père n'a pas choisi qu'il soit pharaon. Quand il vient là-bas, maintenant sur le plan sociologique, on va dire que par les concours de ci, comme ça, il est arrivé au trône. N'est-ce pas? Avec la vue humaine. Dieu dit à l'autre côté, c'est moi qui l'ai amené là-bas. Pour le cas de Joseph, par exemple, quand le papa de Joseph va mourir, ses frères vont dire, ah, maintenant que notre père est mort, parce qu'il avait l'autorité, il va nous faire du mal. Il a dit, non. Vous avez médité à me faire du mal. L'Éternel m'a envoyé devant vous pour sauver. Or, quand vous lisez l'histoire, on ne verra nulle part où Dieu a dit qu'il va en Égypte. Dieu lui a montré le cliché que 11 Joseph va se prosterner devant toi. Il n'a pas dit là où ça va s'accomplir, c'est sa volonté que ce soit ainsi. Le moment est arrivé, ses frères vont le vendre en Égypte, ne sachant pas que son effet, ce que Dieu a décidé. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc nous sommes des marionnettes, des acteurs dans le film de Dieu. Amen. Si ça te dérange, si la Bible te dérange, tu fermes la Bible. Ferme un peu la Bible, je vais te dire quelque chose. Là, je vais te poser la question, tu vas me répondre. Allons-y, ferme. Ferme. Je suis sûr. Parce qu'il peut dire, tu crois que c'est écrit dans la Bible. Mais en fait, c'est écrit dans la Bible, mais avec un autre langage. Comment tu t'appelles? Tu as décidé de ton nom? Tu as choisi ton père? Ta couleur, tu as choisi? Ton origine, tu as choisi? Là où tu te trouves, là, maintenant, ta tête, tu as choisi? Qui a choisi? Donc, il a choisi tout sauf ce que tu vas devenir alors. S'il a tout choisi, on peut dire Amen, que Dieu peut faire comme il veut. Amen. Tu as vu cela? Le problème avec nous, c'est l'intelligence. Quand nous devenons intelligents, remarquez très attentivement. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous voyagez, il vous protège de l'accident. Les gens meurent, vous ne mourrez pas. Quand vous connaissez Dieu, vous commencez à dire, je brise l'esprit d'accident. Quand vous n'avez pas la connaissance pour briser l'esprit d'accident, vous n'étiez pas mort pourquoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Quand tu dors maintenant, je plonge ma maison dans le sang de Jésus. J'envoie le feu à gauche, même quand tu ne vois pas le feu. Tu ne vois pas le feu. Tu dis comme ça, putain, en fait, c'est la peur de façon indirecte qui fait que tu crois qu'en faisant ça. Avant que tu sois chrétien, tu dormais là-bas sans problème. Pourquoi on ne t'avait pas tué? Vous comprenez ce que je ne vois pas, n'est-ce pas? Quand tu as foi à Jésus, en Jésus, que c'est la bonne façon, on dit que c'est dans le silence et la tranquillité que sera ton repos. Les gens qui font le bruit, ce sont déjà des personnes qui ont peur. Parce que quand les gens traversent le cimetière dans la nuit, ils commencent à faire du bruit. Il veut se faire convaincre pour dire que je ne suis pas dépassé dans le cimetière. C'est ça qu'ils font en réalité. Parce qu'en journée, pas là-bas. En journée, il ne ferait pas ça. Mais il essaie de se convaincre pour dire qu'il n'est pas seul, pour faire le bruit, pour montrer qu'il n'est pas seul. Mais quand il fait comme ça, ses oreilles sont en état d'alerte. Si quelqu'un fait, il va détaler là-bas comme ça. Là. Vous comprenez? Voilà. En fait, c'est ça, c'est la peur qui fait que les gens vocifèrent toutes ces choses-là. On concorde tous sortes de prières pour se convaincre que ça en est de marcher. L'apôtre Pierre n'a pas fait quoi que ce soit comme prière pour que Jésus vienne le trouver. C'est Jésus qui vient nous trouver sur la barque. Il dit, jette ton filet. Quand il a fini, il dit, éloigne-toi de moi. Pierre l'a même chassé. Il a dit, non, suis-moi, je te ferai de toi un pêcheur. C'est ce qu'il a fait. Donc, quand Dieu veut de toi, tu ne peux pas fuir. Ce qu'il a destiné de toi, tu ne peux pas fuir. D'abord, un, il t'a choisi africain. Deviens américain, on voit. Tu peux? Tu ne peux plus rien. Donc, nous sommes emprisonnés dans la volonté de Dieu appelée notre liberté. Nous sommes emprisonnés dans la volonté de Dieu appelée notre liberté. Donc on dit Dieu nous a créés libres. Ok, il a créé libre. Le choix. Tu es vraiment libre, c'est quand tu es libre de choisir. Quand il te met deux voix devant toi, pourquoi il n'a pas mis trois? S'il mettait trois, pourquoi il n'a pas mis quatre? Il te dit deux voix, la mort ou la vie. Pas vrai, frère? Donc, dès que tu choisis un, tu n'es pas déjà libre. D'abord, tu n'es pas libre. Donc, la liberté au sens humain n'est pas ce que Dieu lui définit. D'accord? Donc, nous sommes enfermés dans la volonté de Dieu, dans notre liberté. Ce que tu appelles volonté de Dieu, c'est ce qu'il a dit, tu es libre. Tu tournes n'importe comment. Tu sors hors de la stratosphère, de l'atmosphère, tu péris. Parce qu'il a mis que la vie, c'est sur la terre. Parce que toute l'ionosphère et tous les autres là-bas, l'oxygène est donné seulement ici. Tu dis, oh, je suis fâché de Dieu. Tu vois, tu es fâché. La nuit, tu vas respirer sa respiration. Tu vas boire son eau. Tu laves tes habits, c'est son soleil qui sèche. Tu marches sur sa tête, tu suis sa mangue. Mais tu es fâché de lui. Tu ne peux pas te soustraire à ça. Il a donné une loi. Tu vas manger à la sueur de ton... Si tu es fâché, ne mange pas alors. Dis que je ne mange plus ta nourriture de Dieu. Je ne bois plus ton eau. Si tu vois, si deux minutes, tu vas tenir. Donc, en réalité, Dieu, nous sommes entre ses mains, comme ça. La Bible déclare même dans le Proverbe chapitre 20 que le cœur d'un roi est un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il incline où il veut. Donc, il prend les mauvaises décisions. C'est Dieu qui a incliné. D'accord, frère? Ok, maintenant. Voici encore l'autre, le plus grave maintenant. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 3 et 4, vous allez voir, on va expliquer l'histoire de Pilate, au chapitre 4 particulièrement. Quand on va frapper l'apôtre Pierre en disant que nous vous avons interdit de ne plus parler du nom de ce Jésus, ils vont dire, nous ne pouvons pas vous parler. Ils vont rentrer maintenant, après les avoir relâchés, ils vont aller vers les siens, ils vont dire, Seigneur, ils vont ouvrir la voie, ils vont prier. Que Seigneur, c'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, pourquoi es-tu timide parmi le peuple, le Saint-Gloire. En effet, il dit, en effet, dans cette ville, Hérode et Pilate ont fait ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Qu'est-ce que Hérode et Pilate ont fait? Ils ont tué Jésus. Donc, le conseil de Dieu était arrivé. Il dit que c'est Pilate, c'est Hérode qui doit faire ce rond-là. Le moment arrivé, on amène Jésus devant Pilate. Es-tu roi? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume avait été de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin qu'on ne me livre entre tes mains. Il dit, tu es donc roi. Vous comprenez cela? Quand il a posé encore la question, il ne répondait pas. Il dit, ne crois-tu pas que je peux te ou parler de Bible, hein? Ne crois-tu pas que je suis capable de te livrer? Il dit que tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'a été donné depuis le haut. Donc la décision qu'il prend, c'est la décision du ciel. N'est-ce pas, frère? Donc Dieu est responsable de la mort de Jésus. Les acteurs, celui qui va le livrer est choisi par lui. Celui qui va le tuer est choisi par lui. Les soldats qui vont le clouer, c'est choisi par lui. Même l'Africain qui rentre du champ, qui va porter sa croix, il va jouer son rôle. C'est le film. Donc quand tu vois le film, les gens meurent là-bas, la voiture, oh la voiture va le cogner, ne dis pas que la voiture va le cogner, c'est prévu dans le film. D'accord, frère? Tu vois les gens, on poursuit, ils sautent sur le fruit de quelqu'un. Tu dis, ouais, le type s'il a versé le fruit de quelqu'un, même le fruit là, c'est prévu dans le film. La scène. C'est la scène qui est prévue, c'est écrit comme ça, là. Le scénario, tu vois le scénario, c'est là. Il répète ça, plus ça, juste ça, ça fait. Ça devrait nous enseigner que tout est écrit d'avance. Et c'est même écrit au point où Dieu a même écrit la fin. Apocalypse montre la fin de ce qui va arriver. Il a dit, il a vu le jugement, les gens qu'on va jeter en enfer. Comment on va jeter Satan en enfer? Satan lit sa part dans le livre ici, il prend le renseignement d'où il va aller. Il va faire n'importe comment, il se fâche n'importe comment, c'est écrit là qu'il va être jeté dans le feu. Pour lui, c'est encore très grave. Le problème, c'est que toi, tu ne sais pas où ton livre est écrit. Si la révélation t'est donnée, tu peux savoir exactement ce qu'il en est. Les prophètes de la Bible, les apôtres de la Bible, quand ils veulent mourir, ils savent qu'ils doivent mourir. Ils savent qu'ils sont quittés. Vous voyez là, n'est-ce pas? Quand on navigue à vue, on va dire que pour moi, je suis même quoi finalement ici dedans. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois demander au Créateur pourquoi tu es ici. Amen. Amen. Alors maintenant, résolvons le problème. Tu me diras donc pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Je veux que vous me levez la main. Vous me dites quelqu'un qui peut résister contre la volonté de Dieu. Si vous avez trouvé dans la Bible quelqu'un qui a résisté contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'expression de ses désirs. Quand il veut que quelque chose se réalise, quelqu'un peut-il empêcher ça? Non. Hein, frère Iva? Ça veut dire que ton verset de 1 Timothée chapitre 2 pose problème. Parce que la Bible déclare là-bas que car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et vous répondez de l'autre côté que personne ne peut résister à sa volonté. Comment il veut que tous les gens soient sauvés? Et tous les gens ne sont pas sauvés. La question c'est, qu'est-ce qui peut résister à sa volonté? Rien. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi donc tous les hommes ne sont pas sauvés? Et Jésus vient dire sur la terre, quand il est face à face avec eux, que je leur dis ça en parole pour qu'ils ne soient pas sauvés. Je dis cela à vous, c'est écrit clairement, c'est dit clairement pour que vous compreniez, parce que ça vous a été donné. Pourquoi à ceux-là, ça n'a pas été donné? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, tous les hommes, prenez Romains chapitre 11. Nous sommes dans Romains là, n'est-ce pas? Regardez le chapitre 11. Vous avez pris le chapitre 11, je vais vous dire le verset. Lisons le verset 25. Regardez, ça, c'est l'un des mystères enfermés de la Bible ici. Je vous dis un mystère afin que vous ne vous regardez point comme ça. Le verset 25 du chapitre 11 de Romains. Vous y êtes? Je vous dis un. Vous y êtes? Verset 25 du chapitre 11. Allons-y. Car je ne veux pas, frère, que vous soyez. Que vous ignorez ce mystère. Oui, écoutez. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Oui. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Stoppons. Soulignez la totalité des païens. Donc, d'après ce verset, quels sont les païens qui vont entrer? Hein, frère Iba, tu as vu ça, non? D'après ce verset, ils disent qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. La période d'endurcissement est formée, d'après le plan de Dieu, c'est que l'endurcissement d'Israël va demeurer jusqu'à ce que la totalité des païens entrent. Quand il dit totalité des païens, au sens premier, ça veut dire quoi? Les non-juifs. Ça veut dire que normalement, si on lit ces versets en comprenant comme cela, on va dire que tout le monde entier doit entrer. Non, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il y a. Non, mais non. Là, on en est au niveau de la compréhension. Il dit si on lit au sens propre, terre à terre, il est en train de dire ça, non? Parce qu'il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, alors tout Israël sera sauvé. N'est-ce pas? Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob ses impiétés. C'est ce qui est écrit. Alors, quand il dit la totalité des païens soit entrée, et tu lis cela au premier degré, tu dis, donc tout le monde sera sauvé. Est-ce que c'est biblique? Non. Ça veut dire que ce n'est pas ça qu'il en est dit, malgré qu'il a écrit la totalité des païens. Allons-y au chapitre 1. Romains. Je m'excuse de vous balancer des parts et d'autres comme ça. Vous y êtes. Verset 4 du chapitre 1. Écoutez très attentivement. Verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Oui. Selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Oui, écoutez très attentivement. Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ votre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Oui, écoutez, d'amener. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi, tous les païens. Soulignez tous les païens. D'après ces versets, ils ont reçu l'apostolat de faire quoi? D'amener à la foi tous les païens. Donc d'après ces versets au premier degré, quels sont les païens qui vont être sauvés? Tous les païens. Mais tout là, ça ne veut pas dire tout. Nous sommes d'accord, frère? C'est de ça dont il est question. Vous devez comprendre le langage des dieux. Maintenant, rentrons maintenant dans Actes chapitre 2. Vous en avez souligné tout ce qu'on a de voir, non? Parce que dans 1 Timothée 2, c'est le premier qui se pose là-bas. Il dit c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Quand il dit tous les hommes, il dit voici, ça c'est écrit que tous les hommes. Mais tous les hommes, ça veut dire tous les hommes. Oui. Tous les païens, ça veut dire tous les païens. Parce que tous les païens, c'est le synonyme de tous les hommes. Parce que tous les hommes là, c'est tous les hommes. C'est-à-dire les païens, n'est-ce pas, frère? Et quand tu dis ça, tous les païens à l'obéissance de la foi, toi, tu sens que ça ne va pas. On y va. Actes des Apôtres, chapitre 2. Maintenant, le verset 37 nous donne le renseignement. Que lorsqu'ils entendaient ce discours, ils disent de quel vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous être là-bas? Il est entré chez apôtres là-bas dans l'Ancien Testament. Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et ce verset 38 maintenant. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, le volet suivant va nous intéresser. Car la promesse est pour vous. Il s'adresse à qui là? Ceux qui sont devant de lui. N'est-ce pas? Pour vos enfants, c'est-à-dire que les enfants après eux. Et pour tous ceux qui sont au en aussi, que le Seigneur de Dieu ne l'est. Le verset là veut dire que ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il a dit pour tous ceux qui sont au en aussi grand nombre. Il n'a pas dit la totalité de tous ceux qui sont au nom. Parce que, ça dit que, parce que le monde entier est peuplé. Il dit parmi les gens qui sont peuplés là-bas, le nombre que Dieu aura dessiné là-bas pour eux, pour les appeler, la même promesse est aussi pour eux. N'est-ce pas, frère? Donc, tous les païens qui sont dans les contrées là-bas, où on va les retrouver, l'évangile leur est destiné. Ils sont appelés de Dieu, ils vont revenir vers le Seigneur par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Donc quand ils partent partout, c'est eux qui cherchent. Chapitre 13 de l'Acte des Apôtres. Vous y êtes. Chapitre 13 de l'Acte des Apôtres. Merci vraiment de prêter votre temps comme ça pour qu'on partage ces choses. C'est vrai que le temps n'est pas... On pourrait aller jusqu'au 22 mai. Allons-y. Verset 48, qu'est-ce que ça dit? Verset 48. Oui. Il est écrit. Les païens se réjouissent. Non. Écoute, lis vraiment ce qui est écrit. Les païens se réjouissaient. Voilà. Ok. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Oui. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Oui. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Souligné. Donc, d'après la Bible, quand les païens entendaient ça, tous les païens étaient sauvés. Non. Quels sont les gens parmi les païens qui étaient sauvés? Ceux qui étaient sélectionnés. Hein, mon frère Iba, tous ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. C'est ce qu'il en est. Tous ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. La vie éternelle est prédestinée. C'est là, c'est clair, noir et blanc. Donc, en clair, quand tu lis 1 Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 4, il dit, je dis d'abord, j'exhorte qu'avant toute chose qu'on fait des prières pour tous les hommes, pour ceux qui sont élevés en dignité au roi, ainsi de suite, cela est bon et agréable. C'est là que je viens de dire, qui veut que tous les hommes soient sauvés. L'apôtre Paul en a de dire, dans toutes les sphères de la société se trouvent les gens que Dieu a destinés pour le salut. Amen. Il y a des rois qui viendront au Seigneur. Il y a des gouverneurs qui viendront au Seigneur. Dans tous les stades là, ça ne veut pas dire que comme ils sont des rois, ils sont destinés en enfer. Non. Il y a des rois païens qui seront au paradis. Vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Donc il n'est pas en train de dire que Dieu veut que tout le monde entier soit sauvé. C'est que lui-même il a échoué. Parce que rien ne peut résister à sa volonté. Et ici, le voici maintenant que les gens ne sont pas sauvés. Vous y êtes? Amen. Et c'est même Dieu qui a prophétisé même qu'il faut qu'ils tiennent leur visage, leurs deux constamment courbés de peur qu'ils ne soient sauvés, qu'ils ne se convertissent. N'est-ce pas, frère? On peut avancer maintenant. Donc, en clair, si Dieu, avant de dire que la terre soit, t'avait prévu que tu devais sauver, tu viendras. S'il ne t'avait pas fait, crie comme tu veux. Il a laissé le temps pour que tu peux pleurer pour 25 ans. Les larmes ne finiront pas. Et ça ne changera absolument rien. Des questions? Après, moi, j'ai une question à poser. Par rapport à l'apôtre Paul. Oui. Quand il dit, c'est que Dieu veut. Mm-hmm. C'est votre sanctification. Oui. Sans la terre, lui ne verra Dieu. Oui. Par rapport à cette même convoi-là. Oui. C'est quoi le lien? Quel est le lien avec cela? Ouais. Le problème, nous sommes prédestinés. Non, je comprends. Voilà. Ne t'inquiète pas, mon frère. Mm-hmm. Le vrai problème, c'est que il y a une vie conséquente de cet appel. Parce que tu as été justifié. Quand Jésus justifie les gens, il dit va et ne pêche plus. Quand il était sur la terre, va et ne pêche plus. Donc, si tu es absous, tu n'es plus coupable. Maintenant, il y a une vie conséquente. 1 Timothée, Tite chapitre 2, verset 11, et souvent nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain et à vivre dans ces siècles selon la sagesse en attendant. D'accord? Donc, c'est pour ça que Jésus a laissé dans les disciples. Il a dit, enseignez-leur à observer. On appelle donc ça la marche chrétienne. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, l'apôtre Paul, donc solennellement, comme un docteur de l'Église, dit, voici ce que je vous dis, je vous commande dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, quand on devient en Christ maintenant, on marche selon une nouvelle marche, des nouvelles données. Nous marchons sur la terre en tant que citoyens du ciel, avec la constitution céleste, vivant avec notre vie réglée avec la constitution du ciel. Donc, il y a une vie conséquente. C'est pour ça que la sanctification ne se trouve pas dans le monde. C'est dans le corps de Christ que ça se trouve. On ne peut pas vivre la sanctification étant dans le monde. Parce que dès le départ, il faut que tu sois d'abord justifié pour être sanctifié. Parce que justifié, ça veut dire que tu es d'abord déclaré non coupable. Non coupable, ouais. Sanctifié, ça veut dire qu'on te nettoie pour te mettre en service. On te met à part pour te mettre en service. Pour que tu entres en fonction. Tu comprends? Tu ne peux pas entrer en fonction étant dans le monde. Ce n'est pas possible. C'est compris? Est-ce que je pourrais rebondir sur... Oui. Donc, est-ce que ça voudrait dire que étant prédestiné, oui, tu ne mènes pas cette vie de sanctification? Non, tu es prédestiné, tu vas, même si tu ne veux pas, tu dois le faire. Oui, Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Non, ça veut dire qu'on dit ceci. Nous touchons dans le volet des responsabilités. Ouais. La pleine responsabilité devient à Dieu. Il y a la part que la personne qui est appelée doit faire. L'apôtre Paul a été appelé comme apôtre. Ce n'est pas Dieu qui va marcher pour aller prêcher. Son corps est utilisé par Dieu pour aller prêcher. Quand on chicote en prison, ce n'est pas Dieu qu'on chicote. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur n'a pas mal. C'est lui. Tu comprends cela? La personne oui. Ne fait pas, n'accomplit pas sa part de responsabilité. Hébreux chapitre 12. Prenons la réponse là, c'est ce qu'il trouve. Que Dieu vraiment vous bénisse pour ces merveilleuses questions. Amen. Hébreux chapitre 12. Hébreux le chapitre 12. Vous avez ouvert? Lisons à partir du verset 4, mon frère. Allons-y. Verset 4, à haute voix. À partir du verset 4. Suivez très attentivement. Allons-y. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Oui. En luttant contre le péché. Oui. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Écoutez très attentivement. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Oui, écoutez. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Oui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Oui. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, tous ceux qui se connaissent pour ses fils, s'il marche mal, il fait quoi? Il frappe. On ne peut pas finir la Bible. Il châtie. Continuons, ce n'est pas fini, écoutez. Supporter le châtiment, c'est comme des fils de Dieu que vous êtes traités, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ça, c'est sur le plan humain. Mais c'est... si vous êtes exempt des châtiments auxquels tous ont part, tu es un enfant. Vous êtes donc des enfants illégitimes. Donc légitimement, si tu es fils de Dieu, tu dérobes à ta tâche, il te frappe pour que tu recommences. C'est ce qui est écrit là-bas. Continuons, c'est pas terminé. Mais, verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères, selon leur chair, nous ont châtiés. Non, selon la chair. Selon la chair. Donc il a dû parler sur le plan humain. Notre Père qui nous a engendrés. Il dit sur le plan humain, nous a châtiés. Vous vous souvenez quand vous étiez petit, comment on vous traitait? On te tape. Sous le moment, quand vous étiez petit, vous dites que le père c'est un méchant. Mais maintenant vous comprenez l'éducation qu'il vous a donnée. Que c'était pour, mais c'est pour te redresser. Parce que Dieu avait dit qu'il y a des démons sur les enfants, que c'est la chicotte qui va les chasser. C'est ce qui est écrit. Il dit la verge de la correction, il dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. L'éloignera. Donc l'esprit de folie qui est là. D'accord? La délinquance. C'est pour ça qu'un enfant laissé à lui-même est une honte pour son père. Vous voyez, on ne doit pas abandonner l'enfant, comme les Européens sont en train de faire en disant que si tu tapes sur l'enfant, demain en prison. Je vais avec mon enfant là-bas, je vais les traiter bien même pour qu'il m'enferme. Vous voyez, donc ici il dit, même notre père dans la chair nous châtiait, écoutons. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Vous entendez ça, n'est-ce pas? Donc, il a pris ça sur le plan humain, la correction que le papa amène à son enfant. Parce que quand le père tape son enfant, du moins les pères qui ne sont pas francs-maçons et rose-christiens, parce que ceux-là, ils mangent même le cœur. Le père normal qui a l'image du père céleste corrige l'enfant parce qu'il sait que l'enfant s'est allé à la dérive. Il a la responsabilité de ne pas le cajoler. Et quand il fait cela, l'enfant finalement doit se soumettre à ce que le père en est de vouloir dire. Oui. Pour avoir la vie. Écoutez bien. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il le trouvait bon. Donc, c'est eux qui décident que j'étais bon, que j'étais froid. Mets-toi ici, va chercher la chicotte. Toi-même, tu vas chercher ta propre chicotte. En venant, tu pleures avec la chicotte en main. Mais Dieu ne peut pas faire autrement, il te fouette quand même. Oui. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Tu entends ça? Afin que nous participions à sa sainteté. Soulignez ça. Donc, c'est vrai, comme il a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parce que Dieu est saint. Sa propre nature qui ne peut pas régner, il est saint. Il a donc dit, je suis saint, vous serez saint. Donc monte, tu descends, tu dois lui ressembler. D'accord? Et il va utiliser tous les moyens. Et personne de ses fils ne peut résister à cela. Et tous vont arriver à ce niveau-là. Parce qu'il a dit, ceux qu'il a connus d'avant, il les a assez prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Il va accomplir cela. Amen. Amen. Des questions? Tu n'as pas de questions? Seulement, j'ai une autre. Oui. Par rapport au consolateur. Oui. Quand le père dit, je m'en vais, quand je dis, je m'en vais, le père va vous envoyer un autre consolateur. Oui. L'apôtre Paul reçoit le Saint-Esprit. Oui. Enfin, le Saint-Esprit, vous savez une chose. Le Saint-Esprit est un consolateur. Est le consolateur, pas un consolateur. Oui. Bon, en fait, il doit dire dans toute la vérité, c'est ce qu'il disait. Oui. Maintenant, pourquoi les apôtres enseignent encore? Pourquoi? Les apôtres enseignent encore, c'est que le Saint-Esprit. Je pose la question. Je te pose la question tout simplement. La personne qui part guérir là, qui guérit? Le Saint-Esprit. Celui qui enseigne, qui enseigne? Le Saint-Esprit. Celui qui donne la prophétie, qui donne la prophétie? Le Saint-Esprit. Attends, celui qui guérit, est-ce qu'il fait en même temps tout ça à la fois? Il suit attentivement. Est-ce que la personne qui prophétise, c'est toujours la même personne qui enseigne, qui fait telle chose lui seul? Non. Non, chaque membre a une grâce particulière de ce même Saint-Esprit. Mm-hmm. L'enseignement ne consiste pas seulement à bavarder, ce que ça nous bavardait là depuis. Même la guérison est un enseignement. Parce que la guérison nous enseigne que Dieu est puissant. Dieu est un Dieu miraculeux. Sans que ça ne soit une expression audible. Comprends ça, mon cher? Donc, celui qui est dans le domaine des miracles, quand il fait le miracle, il ne diffère en rien de celui qui donne seulement l'enseignement par le Saint-Esprit. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui agit ici et qui agit là. Tu comprends ce que ça nous dit? Or, c'est tout ça donc qu'on appelle enseignement. Parce que cet enseignement, c'est pour grandir, pour faire connaître Dieu comme il se doit. Si tu me suis... Non, ce que tu, si tu ne me suis pas, note Jacques chapitre 5. Je vais te dire quelque chose. Quand vous allez noter cela, par rapport à sa question, je réponds rapidement. Il n'a pas tiré long. Dans Jacques au chapitre 5, le verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Non, qu'il... Non, qui ne parle pas. C'est l'ancien qui doit venir. On ne peut pas l'intercier pour ouvrir le transport. Relis encore le verset. Non, non, n'ouvre pas. Tu n'as pas lu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse appel. Qu'il l'appelle, les anciens. Les anciens doivent venir. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mais cette personne, ce qui est malade, c'est un chrétien ou pas? Il a le Saint-Esprit. Comment tu dis qu'il ne sait pas? Tu dis qu'il est chrétien, tu dis oui, c'est un chrétien. La personne dont on parle dans Jacques, si c'est un chrétien, oui ou non? Non, non, attends, non. Il ne parle pas de toi. Il dit dans la Bible. C'est dont on parle ici. Celui dont on parle, c'est un chrétien, oui ou non? Voilà, c'est simple. Lui, il est chrétien, il a le Saint-Esprit, oui ou non? Le Saint-Esprit donne la guérison, oui ou non? Pourquoi on ne lui a pas dit, prie par le Saint-Esprit qui est en toi? Tu as suivi la question? Pourquoi ne lui dit pas que, sachez que comme vous avez le Saint-Esprit en vous, mettez la main sur vous, vous allez guérir. On a dit, c'est un ancien. L'ancien qui vient prier, il a quoi? Le Saint-Esprit. Toi, tu as quoi? Donc, Dieu a fait comme ça pour que tu aies besoin de quelqu'un, il ait besoin de toi. Amen. Le Saint-Esprit qui va venir guérir en lui. L'apôtre Paul, par exemple, a la vision du Seigneur Jésus, a le conseil du Seigneur Jésus. Il se tient là-bas au milieu de l'assemblée. Dieu dépêche un prophète, il marche 100 km pour venir. Il prend le corps, il dit, ainsi parle l'Esprit, l'homme à qui appartient ses ceintures sera lié de cette façon. Il parle à Paul. Pourquoi il ne lui a pas dit ça dans la vision? Pourquoi il n'a pas dit que ta tête ne tient pas? Hein? Il me parle dans la nuit. Pourquoi il vient te déplacer de là-bas? C'est le Saint-Esprit qui parle au travers d'Agabus. Mm-hmm. D'après, Paul ne dit pas que j'attends que la nuit qu'il me confirme. Il sait que c'est le Saint-Esprit qui vient de lui parler. Vous voyez cela? Il peut lui parler directement, comme il peut passer par ce canal-là. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit directement que sache que tu vas aller à Jérusalem? Comme ça, on va te lire. Il passe par un être humain. D'après, Paul ne pas dire que j'aime mon Saint-Esprit, il faut qu'il me parle, que moi-même j'écoute. C'est lui qui vient de lui parler là. Vous suivez ça, frère? Voilà. Donc, quand la Bible déclare, je vous donnerai un consolateur, l'Esprit de vérité que le monde peut recevoir. Il vous conduira à toute la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il est quelque part. Il vous dit la vérité, vous comprenez. Là, vous êtes tenu devant moi en train d'écouter la vérité. Qui en est de parler alors? Alors maintenant, comment est la vérité? Il peut vous conduire à toute la vérité de toute façon. Vous avez les conversions. Vous marchez en route un jour, vous voyez une verset biblique là. Vous lisez, ça change votre vie. Qui vous a conduit là-bas? Il vous a conduit dans la vérité. Vous voyez cela? Voilà la vérité. Ça commence là-bas. Maintenant, il dit aux disciples maintenant que enseignez-leur à observer. Quand ils deviennent disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement qui vient là-bas vient de qui? C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans ces Galates-là que, oh, Galates, mes enfants pour qui je prouve encore le Dieu, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont besoin d'être enseignés pour être assis dans les Écritures, les vérités bibliques. Il y a des choses que tu vas monter, tu vas descendre, tu vas quitter la terre sans connaître. Pourtant, tu as le Saint-Esprit. Parce que la personne qui a écrit ça a dit que nous connaissons en partie. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, ça ne veut pas dire que quand tu as ton Saint-Esprit, non, je ne peux plus besoin d'un enseignement de quelqu'un. Sinon, le corps sera disloqué. Ok, si tu es apôtre, tu seras apôtre de qui? Établi sur qui? Si tu es prophète, si tu es prophète sur l'église, parce que le prophète parle à l'église pour que l'église soit édifiée. Si tu es prophète, tu as ton Saint-Esprit, et que quelqu'un de l'autre côté a ton Saint-Esprit, Dieu parle à chacun, le prophète va faire quoi sa prophétie? Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est comme ça dont il est question. Vous prenez un homme, vous pouvez porter un seau. Il faut que tout le doigt y vont pour porter le seau. Et puis vous arrivez à vous laver, tout le corps est à l'aise. D'accord, frère? Donc, conduit dans toute la vérité, c'est-à-dire que Dieu utilise tous les moyens qui sont révélés par les Écritures. Donc, tu peux recevoir l'enseignement de l'apôtre. Un autre frère vient dire autre chose pour compléter à ce que celui-là a dit. Ce n'est pas pour dire que c'est une seule personne qui va vous conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas ça dont il avait dit. D'accord? Le problème là, c'est qu'avec le Saint-Esprit, tu peux détecter ce qui ne vient pas de lui. Voilà l'avantage. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es déjà vendu. Si tu as le Saint-Esprit, si on te dit ce qu'il faut, il te dit, mettra de tôt ou tard. C'est pour ça que les enfants de Dieu, on ne peut pas les garder pour longtemps. Même si tu es dans le fond, n'importe comment, tout ailleurs te fait sortir. Amen. Nous allons nous asseoir là-bas, on va enseigner les choses. Tu vas dire, mais l'évangile de ce monsieur, ça me dérange. Tu te dis à quelqu'un, il dit Amen. Donc là, ce que tu dis que non, ça me dérange, quelqu'un dit que c'est Amen. Tu dis que ce n'est pas la vérité. Vous voyez cela? Voilà. Autre chose? Le frère là, il parle souvent à haute voix. Il parle souvent à haute voix, ce frère. Oui. Je disais, bon, en fait, moi, ma question, c'est au niveau de la tendance. Alors, je ne comprends pas toujours. Oui. Bon, moi, par exemple, j'ai un peu fréquenté beaucoup d'églises et tout. Et à chaque fois que j'arrive dans une église, oui. Quand je commence une semaine, deux semaines, oui. On me demande, il faut te convertir, essayer de changer de vie. Oui. De vivre une nouvelle vie. Quand tu as essayé plusieurs fois, ça t'a laissé. Justement, c'est là ma question. Parce que je suis toujours bon, c'est-à-dire, on va aller sur place. Oui. Bien que dans les débuts, peut-être je peux faire un mois, deux mois, trois mois. Après, tu es retourné là-bas. Oui, je retourne encore. Maintenant, selon ce que vous avez dit tout à l'heure, là, c'est-à-dire, si c'est un don, ça peut peut-être venir, c'est-à-dire, Dieu va t'amener à changer. À changer. Oui, oui. Bon, est-ce que je peux encore faire, c'est-à-dire que je suis encore aller dans une église et espérer que non, Dieu puisse me changer. Comment tu vas pouvoir aller dans une église alors? On a dit que l'église c'était quoi? C'est l'église. Vous voyez comment on nous a embrouillé, non? Est-ce que quand on est en église, je dois juste être là? Si c'est l'endroit le plus dangereux qu'il ne faut pas rester. Écoutez très bien, je pèse bien mes mots. C'est l'endroit le plus dangereux qu'il ne faut pas rester quand tu es dans cet état. Je vais vous dire doucement. Je veux que vous assimiliez. Il dit, voilà, voilà, il a décidé de battre. Quand il va rester dans ce milieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à se formater, à imiter les habitudes de ce milieu. C'est-à-dire que quand il sera là, il va éviter, comme il en a dit, la loi du péché sera dans son corps. Quand il va sortir hors de là, s'il est éloigné d'eux pour un peu de temps, ça ressurgit. Donc, c'est l'endroit le plus dangereux pour lui. Il est mieux pour lui qu'il ne peut pas en boîte de nuit s'asseoir que dans l'église. Pour que l'intérêt s'exprime, quoi. Je vais vous expliquer le pourquoi. Vous savez ce que je viens de dire. Il ne faudrait pas se tromper en disant que je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Si je ne chante pas, il est roi quand même. Le problème, c'est la conversion. 2 Timothée, ouvrez. 2 Timothée. Quand vous entendez le pasteur dire qu'en venant dimanche, amenez vos voisins. Amenez-les pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. C'est les histoires. En réalité, il ne veut pas vous dire que vous êtes des agents de recrutement pour qu'ils puissent avoir beaucoup d'offrandes. Aidez le frère Lélin de Jésus là, dans le livre dans Genèse. Vous voyez que c'est la preuve là-bas qu'il cherche la mauvaise chose, n'est-ce pas? Parce qu'il cherche l'église, voilà la Bible, il ne sait pas où Timothée se trouve. 2 Timothée. Vous y êtes? Demain, c'est lundi. Qu'est-ce qu'on fait demain? Le temps que vous cherchez, comment ça se procède? Vous voulez qu'on travaille comment demain? Je suis à votre disposition. Est-ce qu'il travaille ici? Certainement, il y a qui travaille. Non, il voulait dire, qu'est-ce que vous avez convenu qu'on travaille demain, à partir de quelle heure? Quand je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille ici, demain? Forcément, il y a les fonctionnaires. Vous y êtes 2 Timothée. Mmh. Ouvrez le chapitre 2. Vous y êtes au chapitre 2. Chapitre 2, versets 24 à 26. Allons-y, mon cher, ici, à haute voix. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Oui. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous. Oui. Être propre à enseigner, doué de patience. Mm-hmm. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Écoutez bien. Donc, le serviteur de Dieu a les adversaires au devant de lui, n'est-ce pas? Mm-hmm. On dit au serviteur de Dieu ce qu'il doit faire dans ces cas-ci. Souvenez-vous, suivez le serviteur de Dieu, suivez l'adversaire maintenant. Allons-y. Ouais. Dans l'espérance que Dieu leur a donné. Non, non, non. Que Dieu les donnera. Que Dieu leur donnera la réponse. Non. Que Dieu. Que Dieu leur donnera la repentance oui. pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc toute personne qui est adversaire de la vérité est sous la coupe du diable, dit la Bible. Et la Bible dit que vous n'avez rien que la patience pour que Dieu leur accorde la repentance. Vous voyez encore la responsabilité de Dieu, non? Donc, si Dieu veut qu'il se dégage de Satan, il va se dégager. Si tu bavardes n'importe quoi, il va dire, oui, c'est la vérité, mais... Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, la Bible déclare ici que c'est Dieu qui accorde la repentance pour que quelqu'un se dégage. La Bible déclare dans Actes, Dieu a donc donc accordé la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie. Vous avez lu ça, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 11. En entendant ça, quand ils ont entendu l'apôtre Pierre parler, ils ont dit, Dieu a donc accordé la repentance. Parce qu'il y a la repentance théologique. Donc vous venez voir un pasteur, dit que va là-bas, confesse tes péchés. C'est bon, c'est une bonne chose pour essayer de détruire sa conscience. Vous confessez cela. Si Dieu n'accepte pas, tes péchés te sont retenus. Parce que pour avancer, il faut que tu sois justifié. D'abord, c'est déclarer non coupable. Tu dois être justifié. La marche chrétienne, d'abord, pour l'acceptation dans le corps, commence par la justification. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que vous pouvez dire, Seigneur, effectivement, vous savez que Judas Iscariote, quand il a vendu Jésus, il a demandé pardon, non? N'est-ce pas, frère? Son pardon a été accepté. Non. En fait, c'est prophétisé sur lui que s'il demande pardon, on ajoute encore les péchés. C'est ça. Donc, quand vous dites pardon, c'est pour cela que c'est Dieu qui doit attirer. C'est pour ça que c'est Dieu qui doit attirer. Vous regardez dans l'histoire biblique, partout quand l'homme s'est égaré, c'est toujours Dieu qui vient vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Lorsqu'il a laissé l'homme le chercher, chacun part dans tous les sens. Tu vois, quelqu'un dit que le mari, si c'est lui, quelqu'un part, il coupe le bois. Et la Bible déclare à Esaïe là, qu'un homme reste comme ça, il ne se réfléchit pas. Il part au champ, il coupe le bois. Il prend une moitié, il fait la table. L'autre, il fait la fenêtre. À un moment donné, il copule, il tape, jusqu'à ce que l'œil sort, il met la peinture, il dit que voici Dieu. Il ne se donne, il rentre pas à lui-même pour dire une partie, j'ai préparé le riz. L'autre partie, j'ai fait la table sur la question de manger le riz. Voilà encore le Dieu là, il dit un peu Dieu. Et c'est lui qui a fabriqué de ses propres mains. Il ne pose pas la question que c'est lui qui a fabriqué. Donc l'homme ne comprend pas ces choses-là. Quand Dieu a laissé donc les hommes le chercher, chacun part à la dérive. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 17. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il avait laissé les gens que les gens le cherchent à tâtons, quoi qu'ils ne soient pas loin de nous. Or, il laisse que tu le cherches, mais c'est lui qui doit se révéler. Quand Dieu vient vers vous, vous allez comprendre sa voix. Quand vous cherchez Dieu, vous irez dans le tâtonnement. C'est ça? Oui. Tu t'es laissé attirer par Dieu. Oui, je veux que ma réponse peut être bizarre. Continue ta vie. Tu as fait comment? Continue ta vie. Ouvre la Bible, donc. Ouvre Ecclésiaste. Ouvre. Continue à danser le métier. Vous savez, il y avait un homme qui avait rencontré un pasteur. Il a posé la question au pasteur pour essayer le contrôle du pasteur. Il a posé la question au pasteur. Il dit, pasteur, comment on fait pour aller en enfer? Il dit, continue seulement, tu es sur la route déjà. Et Dieu l'a trouvé rapidement. Ecclésiaste. Il a posé la question au pasteur. Pasteur, on fait comment? La route pour aller en enfer, c'est où? Il dit, comment on fait pour aller en enfer? Il dit que tu es déjà sur la route. Continue seulement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Attends, frère. Ecclésiaste au chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Vous ouvrez le prophète Isaïe, vous rentrez, vous avez le cantique des cantiques, et pour rentrer, vous avez Ecclésiaste. Alors, on y lit. Lis le verset 14. Suis attentivement dans ton livre parce que tu es à distance là. Lis le verset 14 jusqu'au dernier. Écoute mon fils. Du reste, mon fils, oui. Tire instruction de ces choses. Oui. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Oui. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Oui. Écoutons la fin du discours. Oui. Crains Dieu et observe ses commandements. Oui. C'est là ce que doit faire tout homme. Oui. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Oui. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà. Vous avez entendu ce qu'il y a, hein? Voilà la fin. Quand il a fait tous les recherches, ne ferme pas. Quand il a fait toutes les recherches, voilà la conclusion où il est arrivé. Mais comme tu es jeune homme, allons voir ce qu'il a dit d'abord au jeune homme avant de rentrer. Chapitre 12, verset 1 et suivant. Allons-y. Jeune homme. C'est à toi qui s'adresse, hein? Réjouis-toi dans ta jeunesse. Tu as entendu, non? Tu as entendu, mon cher? Il te dit que tu fasses quoi? Oui. Allons-y. Lève ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. J'ai entendu, mon cher. Oui. Marche dans les voies de ton cœur et selon les... Attends d'abord. Donc, c'est que la Salomon te dit. Tu sens qu'en boîte de nuit, tu peux bien t'en sortir. Vas-y. D'accord. Tu peux aller danser. Danse bien. Continue, mon frère. Mais... Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. J'ai entendu, non. Donc, ne te prive pas. Oui, mais... Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Fermez la Bible. Ah.